KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Salut Mike, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, mais pourquoi tu portes un masque ? C'est à cause de la grippe A, là, je me protège. Salut ! Toi aussi t'as peur de la grippe A, Sandro ? De la grippe A ? C'est la grippe A. Eh, t'as vu cet enculé d'arbitre ? Ah, mais c'est un truc de ouf, y'avait pas faute. Ça mérite pas carton rouge, putain. Vous aussi ? Mais ma parole, vous êtes tous parano, hein ! Quelle bande de blair ! Une petite grippe de rien du tout et ça fait les chochottes. Oh, je te jure, n'importe quoi. C'est bon, les gars, là. Je crois qu'il est parti, là, vous pouvez enlever vos masques. Oh putain, la violence, mais qu'est-ce qui pue de la gueule, Toff ? Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Michael, parce que c'est sympa. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est sympa, c'est comme ça l'Italie, et c'est Silvio qui le dit. Ah oui, c'est comme ça l'Italie. Bah oui, mais c'est comme ça l'Italie, effectivement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien pour vous imaginer. Je sais pas si vous avez marqué sur la webcam, il y a encore 5 minutes, il y avait Nico à ma place, il y avait des trucs de partout, des caméras, des trucs. Et là, ça va, on est tranquille. Ah, il y a 2 secondes, j'avais des câbles et une lampe derrière moi. Ouais, je sais bien, là c'est fini. Donc Nico, si à un moment, faut pas rester là tout le temps. Bah oui, les loups, je suis désolé. Non, mais bon, je veux dire, tu fais le 6-9, tu peux pas le soir. Oui, je fais le 6-9 et je suis remplaçant aussi sur les autres. L'équipe B. C'est l'équipe B. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bon, merci Nico d'être resté en tout cas, ça fait plaisir. Salut les loups. Bon, et salut et bonne nuit, hein, Nico. Va dormir. Gros loup. T'as des cernes, là. T'aimerais bien le voir. Hein. Non, hein, pas forcément. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Bon, vous avez passé une bonne journée tout le monde ? Ouais, ça va. Bah, je vois que t'as fait avec des chiens de banquier aujourd'hui. Oh, c'est malin, putain, pourquoi tu dis ça ? J'étais à un enterrement. Ah, tu vas à un enterrement ? Pardon, c'est pas vrai, hein, je déconne, j'étais chez le banquier. Ah bon, d'accord, ok. Putain, t'as failli pomper le début de l'émission là, c'est chaud. Bon, et aujourd'hui, mon compte, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, nous allons parler, bah, comme presque tous les jours, de Secret Story. Eh oui ! À l'époque où il était en pleine forme, hein, et ce soir est un soir spécial car Benjamin Castaldi a eu un petit souci. Écoutez, c'est la voix qui l'annonce. J'ai des X-Factor, des petits trucs. Pas de chance. Non, c'est pas celui-là. Non. Ah, ça marche pas ? Oh merde ! Oh, c'est malheureux ! Oh, ben, c'est ballot ! En plus, c'était comme l'information du soir. L'information de la soirée. L'information de la soirée. D'ailleurs, je ne démarre pas tant que l'information de la soirée n'a pas été annoncée par la voix elle-même en personne. Non mais c'est vrai. On peut, bon, pour l'instant, on peut le dire, la voix était animateur. La voix animée, effectivement, Benjamin a eu un petit souci. Un petit souci, ouais, voilà. On s'en fout. Exact. Bon, qu'est-ce qu'il a eu, attends, Benjamin? Mais c'est bon, attends, voilà, ça y est, hop, tac, tac. Ça ira dans 30 secondes ou pas? Ouais, bon, voilà, c'est bon. Donc la voix va l'annoncer maintenant. Écoutez, c'était la vie a refait surface. Ah, il aurait bien aimé, mais malheureusement c'est pas Flavie. Je suis pas sûr qu'il aurait aimé. Non, bon alors, la voix, qu'est-ce qui s'est passé? Ici la voix. Mon ami Benjamin ne fait pas la politique de la chaise vide, il est souffrant au grand bonheur de la voix. Voilà, donc il est souffrant, en fait il a la grippe A. Eh oh, oui. Non. Oh, le voilà. Eh oui, Benjamin était souffrant depuis ce matin, les médecins pensaient au début que c'était une angine, mais en fait ce serait plutôt la grippe A, donc du coup bah, c'est la voix qui présentait la quotidienne ce soir. Ça va faire bizarre, hein. Ah ouais, ça va faire bizarre, hein. Ça va faire très très bizarre, mais par contre... Et demain, qui fait le prime ? Vous remettez le prime ? Justement, mais moi aussi j'ai une idée, en plus tu me l'as dit là, il y a 30 secondes juste avant de quitter le studio là, Nikos. Ouais, je vais présenter l'After Secret Story. Bah voilà. Je connais rien les loups. Ouais, je connais rien du tout. C'est pas grave, le principal c'est d'y arriver. Il y a le prompteur, tout ça. Enfin, vous avez entendu parler un peu de Secret Story quand même, Nikos. Ouais, je sais qu'il y a Mathias qui est en train de faire un carton. Ah ouais, bah c'est pas gagné alors. Hein. Ça c'est pas gagné du tout. Bon bah c'est pas grave. Restez là, Nikos. Reste là. En même temps, Castaldi, ça lui arrive tous les ans. C'est-à-dire qu'à chaque il a été malade. Ah, ça c'est clair. Bon bah Nikos, reste avec nous. On va parler de la Star Trek ce soir. De Secret Story. Ah, j'ai le syndrome qui est revenu de Benjamin Cassette. C'était souffrant. Ah, peut-être. Peut-être, ouais. Bon, donc il y a Daniela là qui devait regarder la télé là quand John a l'a largué justement car elle a déclaré j'en veux à Jonathan. Bah, moi j'en veux à son cul. Oh, bon, j'ai même vu qu'il s'embrouillait aussi sous la douche. Ouais, mais même en se passant le savon, il s'insulte, ça devient n'importe quoi. Ah oui, je te confirme. Alors, en fait, c'est Cindy qui a demandé à FX de lui filer sa serviette parce qu'elle avait oublié de la prendre, sauf qu'elle s'est adressée à lui comme une merde. Ouais, mais en même temps, c'est une merde. Oui. On en parlera dans un instant et puis on parlera aussi d'une info hallucinante à propos de 9 femmes qui se croyaient dans une télé-réalité. C'est ouf. Alors qu'en fait, je vous dirai ça tout à l'heure. Ouais. Bon, et puis nous parlerons aussi de la grippe A qui continue à sévir, la preuve avec Benjamin Castaldi. Et j'ai lu un article, il y en a qui en profitent bien de la grippe A. Ah, les étudiants déjà, ils vont plus en cours. Oui, bah déjà effectivement, mais je pensais plutôt aux sociétés qui fabriquent des masques. Mais ils sont contents, avant ils avaient que Jackson comme client. Ah bah maintenant c'est bon, hein, t'inquiète pas. Donc venez nous en parler, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un à qui la grippe A profite. Il y a aussi des sociétés qui font du gel pour les mains. Ouais, mais alors je crois qu'un des gérants de ces sociétés justement a dit qu'il avait vendu autant de gel en un mois de grippe que ces 5 dernières années. Ah bah moi pareil, hein, j'ai acheté autant de lubrifiants en une semaine que dans toute ma vie. Hein. C'est quoi le rapport? Bah tu parles de gel, alors moi aussi bah j'achète du gel quoi. Oui, au lieu de raconter des conneries sur le cul, là, t'aurais mieux fait de lire l'étude qui est sortie sur le porno. Là, t'aurais pu être intéressant. Ah, mais je la connais, l'étude. Tu sais, je suis allé à la conférence de presse. On peut connaître les vrais résultats. Quoi ? De quoi ? De quoi tu parles ? Quelle conférence de presse ? Bah oui, en fait, c'était une étude commandée par Marc Dorcel. Alors bon, il m'a appelé, il m'a dit tu veux venir. Et bon, bah j'y suis allé parce que ça m'intéressait. Ah, t'as un problème. Ah, il a vraiment un grand problème. Le mec, il a jamais le temps d'aller chez le coiffeur, mais il a le temps d'aller à la conférence de cul sur Marc Dorcel. Je me suis levé tôt, c'était à 9h du matin. Oh là là, quelle horreur. C'est un conseil d'amis, vraiment, va te faire soigner, mec. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, et ce soir, nous recevrons Miko et Cartman, alias Punition Collective, qui ont sorti un single. Il s'appelle, alors évidemment, il s'appelle M-A-R-S-E-I-L-L-E. Qu'est-ce voilà, que c'est ça simple. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire Paris, on t'encule. Moi, je crois pas, non. C'est ça pour ceux qui connaissent pas. Papa, tango, whisky, Québec, sippy, dango, check moral, ah, voilà. Mathématiques. Essaie pas de tester. Merde, je pensais que c'était le refrain. Bon, bah, c'est pas grave, ils chanteront tout à l'heure en direct, le refrain arrive là, là, là, là, là. Là. Non. Bah, ils viennent avec elle. C'est Karima de la Starac voilà. qui fait les refrains. Ils viennent avec le groupe. Ils sont 4 au total. Exactement. Attention, c'est là. Voilà. M-A-R-S-E-I-L-L-E. T'as vu? Le roux a prononcé Marseille, mais après il s'est arrêté. Ouais, je suis arrêté. Ouais, c'est ça. Il a compris ce qu'il allait dire. Bon, il y a le clip que je trouvais très très drôle là, qui est sur mikl.fm, sur mon blog et sur le fanbook et le Facebook d'ailleurs. Donc, vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Miko et Cartman, donc Punition Collective, qui seront avec nous d'ici une petite demi-heure. Voilà. Et puis tout à l'heure, on écoutera le répondeur parce qu'on a un petit problème avec le répondeur. C'est pas grave en même temps. Hein. Non. Il a la grippe. A. Oui, il est malade, on l'a mis en quarantaine. Non, non, mais je déconne pas, il a la grippe, le répondeur. Mickaël, le podcast. Alors, je sais pas si si vous avez eu l'occasion de regarder la quotidienne de Secret Story. Bah, vous aurez remarqué, si vous l'avez regardé, un truc bizarre. Donc, Benjamin était absent. Il y avait personne sur le plateau puisque Benji donc est malade. Alors, c'est donc la voix qui a fait l'intérim. Bravo à la voix. Bonsoir. Mon ami Benjamin ne fait pas la politique de la chaise vide. Eh oui. Il est souffrant au grand bonheur de la voix. Exact. Bah forcément, donc comme vous le savez, donc Jonathan n'est plus avec avec Daniela mais avec Sabrina. Donc Daniela est déçue et elle dit après avoir tenu plusieurs semaines, il s'est rapproché de Sabrina. Donc l'enfermement est difficile à supporter, mais je lui en veux. Mais Daniela, un fan, quelqu'un qui la supporte, et c'est Bruno. Et ça, c'est fait. J'arrive pas à comprendre Jonathan, ce fait qu'il soit en bas sur Sabrina comme ça. Je veux dire que je sais pas, quand je vois Daniela, c'est une fille jolie, super gentille et tout, elle est attachante et tout ça. Et quitter cette fille là pour Sabrina, qui est pas spécialement jolie, je trouve que quel bâtard. Pas de personnalité, 19 ans, enfin je veux dire, je sais pas ce qu'il a passé dans la tête, mais je trouve qu'il fait une grosse bêtise. Par la tête, je sais pas. Il est grand. Par contre, je vois plein d'autres endroits par où il espère que ça passe. À mon avis, ouais. Bon, revenons un peu donc sur Bruno qui préfère dormir le jour et s'amuser la nuit en balançant un coussin sur la gueule de Cindy, pendant qu'elle dormait. Écoutez la réaction donc. C'est bon, mais il est pas capable. Mais l'insomnie, parce qu'il dort de rien. Il dort de rien la journée, il passe sa vie à dormir. Bah évidemment qu'après le soir, il est en forme. Non mais franchement, franchement, c'est bon. Mais que personne me dérange cette nuit. Personne n'adresse sa parole. Mais oui, il a pas bien dormi, il a pas fait sa nuit, il est nerveux. On dirait Sandro, ouais. Mais que personne me dérange, ok. Non, puis ce qui est bien, c'est que si t'écoutes Cindy, il y a plein de trucs à faire de la journée dans Secret Story et ça c'est Regarder une caméra, dire bonjour à la voix, prendre des nouvelles de Benji. Est-ce que vous croyez qu'ils mettent des chemises violettes dans Secret Story? Je ne sais pas, mais en tout cas Toff le fait. Ouais, moi je le fais, j'aime beaucoup cette chemise. On le voit. On la voit souvent. Ouais, oui, elle est très jolie. Bon, on la voit donc, il y a beaucoup de travail car c'est elle qui présente évidemment cette quotidienne. Puisque Benjamin est malade, la grippe A est passée par là-bas. Donc la voix leur fait faire donc un jeu pour soutenir leur candidat préféré. Donc le jeu consiste à faire un graffiti, soit pour Bruno, soit pour Émilie ou pour Vanessa, mais encore faut-il savoir ce qu'est un graffiti. Vraiment présenter quelque chose d'un peu brouillon qui ressemblait à la rue, bah, les tags, etc. Je savais même pas ce que c'était en fait. Graffiti, etc. J'avais un peu du mal. Voilà. C'est pas grave, dans le métro. Je crois que c'est là, hein. J'ai vu ça à la télé. Ouais. Elle, elle connaît pas le métro. J'ai vu ça à la télé. Elle a fait un truc de la rue. C'est chaud quand même. Des trucs dans la rue, dans le métro. Elle est underground. Je sais pas, j'ai vu ça à la télé. Underground. Underground. Ouais, c'est beau, ouais. Bon, et donc Sabrina qui a décidé de faire un graffiti pour Emily. Donc elle nous explique pourquoi et surtout elle nous donne envie de l'éclater au sens propre du terme, bien sûr. On va l'éclater. Voilà. Alors c'est pour ma petite poupée Emily. Mais c'est une fille, donc j'ai fait les couleurs de fille, quoi. Et puis ça frascule, ça frascule. On va s'éclater. On va s'éclater. Mais c'est vrai qu'on a envie de l'éclater quand elle dit ça. Ah, on a envie de lui mettre un gros point dans la gueule. En toute sympathie. Hein. Moi j'aurais bien mis autre chose et ailleurs, mais après. Oh, bon, putain, ça va, c'est ouf, ça fait 5 fois que tu le dis en 20 minutes d'émission. Ouais. Bon, on va rester dans la télé-réalité avec une histoire là qui se passe à Istanbul. En Turquie. Bien. Waouh. Sandro, première sur la géographie, Dorian. Ça fait plaisir. On peut essayer avec d'autres pays pour voir. Non, c'est bon, lâche-moi. Et donc, il y a 9 femmes donc, qui participaient à une télé-réalité. Donc là, rien d'exceptionnel, quoi, au final. Mais en réalité, elles étaient. Séquestré. Voilà, exactement. Donc c'est pas vraiment de la télé-réalité, forcément c'est une séquestration. Hein. Attends, donc, elles ont été séquestrées pendant 2 mois en fait, elles se sont rendues compte de rien. C'est ouf. Pendant 2 mois, elles se sont rendues compte de rien du tout. C'est pas possible. Bah, en fait, les 9 femmes avaient répondu à une annonce et elles pensaient avoir été sélectionnées pour participer à un programme donc de télé-réalité en fait. Hein. Et donc elles sont restées en pensant en fait que c'était un jeu. Mais pourquoi ils les ont séquestrées hein? Bah pour rien en fait. Les ravisseurs ont juste utilisé des photos d'elles à poil, bien évidemment. Oh, hein. Et ils les ont utilisées sur Internet. Mais bon, il y a aucune émission qui a été enregistrée. Ils les ont même pas. Enfin, ils les ont même pas niqué quoi. Ah non, c'était juste pour utiliser les photos. Et comment on les a retrouvées? Enfin, comment elles se sont libérées? Eh bien, la gendarmerie turque, bien évidemment, a fait son travail. Hein, donc, en fait, elle a reçu un appel anonyme pour dire que les filles étaient emprisonnées. Et pendant 2 mois, elles n'ont pas pensé à s'enfuir, non? Non, bah non. Et non, c'était de la télé-réalité. Oui, mais c'est ça, en fait, puisqu'elles étaient dedans, donc à la limite. Ouais. Mais par bon, contre, ça les a pas choquées qu'il n'y en avait pas une qui sortait toutes les semaines. Techniquement, donc, elles n'étaient pas enfermées, parce que les ravisseurs les ont juste menacées de devoir payer 50 000 livres turcs, soit à peu près 22 000 euros, si elles enfreignaient les clauses de leur contrat en rompant leur isolement. T'imagines, c'est des mecs qui séquestrent des gens, qui font signer un contrat comme quoi elles doivent pas partir, sinon ils vont payer. Ça se trouve, c'est qu'elles ont dû écrire sûrement lu et approuvé. Ah oui, bien ça sûr. Ça se trouve, Ingrid Betancourt, c'était Koh-Lanta, tu sais, une saison qui va arriver, donc c'est pas. Qui sait, ouais. Et quel bâtard Denis Brognard, si ça va. C'est clair. Bon, on reparlera tout à l'heure de notre ami Nikos, bien sûr, qui est toujours là d'ailleurs. Salut les loups. Bon, Nikos que vous retrouvez tous les matins, et puis Nikos que vous retrouverez aussi et demain tout le reste soir de la journée dans le studio. Hein. Ouais, et tout le reste de la journée dans le studio. Hein. Si vous avez regardé la webcam, vous aurez pu voir un tournage de Nikos dans le studio. Il a peur d'aller à TF1 maintenant. Ah bah, c'est dangereux. Hein. Demain, Secret Story se fera en direct des studios d'énergie où il n'y a pas encore de grippe. Non. Mais ça va venir. Oui, bah ça va venir. D'ailleurs, on va faire un jeu. Faut qu'on mette ça sur le site. Ouais, c'est un jeu sadique, tu vois. Ouais. Ouais, bah oui. On va mettre les gueules de toute l'équipe. Et il va falloir voter pour le premier qui aura la grippe. Voilà. Et les auditeurs votent. Et hop, si celui qui a voté pour, enfin tirage au sort évidemment, celui qui a voté pour celui qui aura la grippe en premier aura gagné des cadeaux. C'est marrant ça, dis donc. Ah ouais, c'est j'aime drôle bien ce jeu. Puis on peut aller plus loin, celui qui en meurt, double. Ah, allez, ça, triple. C'est là, allez, c'est drôle. Pas chier. En même temps, c'est pas du jeu, parce que quand ils vont voir la tête de toi, ils vont dire que c'est lui qui l'a la grippe. Il y a peut-être. C'est la chemise plus. La chemise. La chemise, ouais. La chemise à la grippe. Ça donne une couleur malade, Tof. C'est ouais. Vrai ouais. Je suis un peu malade. Hein. Ouais, ouais, bah. Mais ouais. C'est la chemise qui est malade. Mais attends, les gars, vous avez pas vu ses pompes hein. Ah, bah, il valait mieux pas regarder, alors, effectivement. Ouais. Mais c'est des pompes classiques. Ouais mais ouais, c'est ouais. Parce que d'habitude on te voit habillé en avec, rien, des, en avec des baskets de 1902. Non, mais c'est ce genre de pompe, ça, tu sais, normalement ça donne classe, chez lui ça donne juste vieux. Bon allez, passons au faux JT, enfin le oui bah le faux JT en fait, hein, le JT tel qu'il ne devrait pas exister un jour, du moins j'espère. Allez, pour une fois on est à l'heure pile, 21h24. Allez. Nous sommes le 10 septembre 2019, bonsoir à tous. Politique. Éric Besson, ministre de l'immigration, n'arrivant pas à réaliser ses quotas d'expulsion, aurait trouvé une idée pour réussir sa mission. Il a décidé de raccompagner à la frontière toutes les imprimantes sans papier. La question du droit de vote à 16 ans a relancé un nouveau débat, celui de la majorité à 16 ans. Émile Louis et Marc Dutroux se sont déclarés favorables à cette mesure. Monde. Afghanistan, le pays progresse sur les droits de l'homme. Mais uniquement de l'homme. Fait divers. Un salarié de France Télécom se poignarde à 3. Et un autre a été retrouvé pendu au téléphone. C'est nul. Musique. Le nouveau single des Bébés Brunes est sorti aujourd'hui. Le morceau s'intitule... J'aime pas l'école. Extrait du dernier album. Mes parents sont tous des cons. Et enfin People. La société d'équipementiers automobile Valeo innove pour la grippe A. Ils ont réussi à créer une porte qui s'ouvre sans les mains. C'est Jamel Debbouze qui va être content. Voilà donc le faux JT que vous aurez bien entendu l'occasion de réécouter sur sur mikael.fm. Merci au rieur qui est revenu express. Il était en opération hein, jusqu'à. Il est revenu que pour ça. Jusqu'à. Alors comment va Pablo? Parce qu'on a parlé de cette opération sans rentrer dans le détail. Donc t'as été dans le bloc opératoire quoi. Exactement. Et j'ai pensé à vous. Et t'as survécu. Et ça c'est beau. Ils m'ont dit penser à quelque chose de bien avant de vous endormir. Et j'ai pensé à vous. Ouais, t'as pu emmener ton iPhone ou pas? Déconne. Ah bien sûr. Il était sur Facebook. Il était encore endormi. Qui était là? Je suis sur la table d'opération. 5 minutes avant l'opération, j'étais sur Facebook. Je suis à la honte. Je vois tout flou. T'sais, le dernier message pour la postérité, il l'a fait sur son Facebook avant de rentrer dans le bloc. Exactement. Et t'as vu un peu pour ce retour, Pablo Toft s'est habillé correctement. Ouais. Oui, je sais. Mais je pensais que j'allais à son enterrement et puis non. Et j'ai dit à toutes mes copines que j'allais mourir, donc il fallait que je les voie une dernière fois. Rien n'est fini, t'as une deuxième opération à faire. Oui, parce qu'ils ont mis un tube à l'intérieur. Ah, le mois prochain? Ils m'ont mis une sonde dans le corps. Ah, c'est ça qui prend toute la place là. Alors... Ça me rappelle un épisode de South Park, justement. Ouais. Le premier. Le gros lard là. Ressemble au gros lard, c'est ça. On n'osait pas le dire. Non, c'est la sonde. Ah, la sonde dans le cul. Il y a des extraterrestres avec une sonde dans le cul, je crois. Écoute, je sais pas par où ils l'ont passé, mais bon, ils m'ont endormi, c'est ça. J'avais dit que tu recevais une prime si tu nous amenais la vidéo. Bah écoute, non. Non. Écoute, c'est dommage. Je ne veux pas voir où ils l'ont mis. Mais nous, on aurait bien voulu. Sais pas, tu sais non, pas, je voir sais pas, par je où ne ils l'ont pas mis. Savoir. D'accord. Bah, de toute façon, il n'y a pas 10 000 trous. De toute façon, il y a 2 trous, donc. Bien. J'ai un peu mal devant. Oui. Bon, de toute façon, on va pas en parler. On a mal pour toi. Non, on va pas en parler jusqu'à minuit, puisque de toute façon, de son opération et de son problème, on va en parler pendant 6 ans. De toute façon, j'ai que des problèmes. C'est Pablo, c'est quand même Joe. Joe, je me plains, donc vous inquiétez pas, on en reparlera. Bon, on va se mettre du son tout à l'heure. Muse qu'on recevra donc lundi. On aura également qu'est-ce que je regarde là tout à l'heure, Green Day aussi numéro 1 de la hitlist. On aura un nouveau son US que je vous mettrai tout à l'heure, les Black Eyed Peas, et puis dans un instant c'est Punition Collective qui seront avec nous, Miko et Cartman entre autres. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, mikl.fm. ça se passe aussi par SMS au 612 débuté par Mikael, ou alors Michette au standard, ça fait plaisir. Depuis une demi-heure on te cherchait, 0800 70 42 48, voilà c'est ça. Et puis pour ceux qui savent pas ce que c'est Punition Collective, écoutez, c'est ça. Et allez, j'ai nouveau réussi à caler ailleurs que... Ah non, je suis en le refrain là. C'est beau, quel talent. N'est-ce pas? T'as vu ce talent un peu? J'ai travaillé depuis ce matin hein. Bon, le roux qui est en pleine forme, wesh, tranquille. En place. Ça va? Bon, super. Et puis on a Punition Collective ce soir en pleine forme les gars. Ouais gros. Ouais, ça va tranquille. Salut bande de petits merdeux. Bon, super. Ça va contre, bande de petits trous du cul. Vous avez pas compris le concept là, il faut parler très très près du micro pour que ça sature, vous voyez. Ah d'accord. Là on est bon là. Là on est bon là. Là on est bon, là on arrête. C'était drôle, 20 secondes. Je crois qu'on n'est pas crédible de toute façon. Non, on sait que c'est une parodie tout ça. Voilà, exactement. Non, on avait essayé. Moi, je le prends très au sérieux. Je suis dans mon personnage, je suis un rappeur. Je suis un blague d'un mètre 80. Ça s'entend dans ma voix. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, tout le monde en a peur. Hein. Ah, tout le monde est en flip total. Là. Bon, ce soir, on reçoit donc la relève du rap français. Oui. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, attends, un peu ça. Après IAM, après la FF, quand même, le Sud reçoit et le Sud accueille et le Sud a vu naître Punition Collective. Mmh. Ça fait plaisir. Bah écoute. Bah, on est les premiers avis. On est les premiers avis de cette aventure. Nous-mêmes, on n'y croyait pas. Oui, bah écoute. Écoute, des fois, si le destin fait des choses incroyables. Ils se sont retrouvés dans un studio, ils ont commencé à rapper, et puis on a trouvé ça magique. C'est énorme, c'est énorme. Alors attention, Punition Collective, je les ai notés hein, pour pas me faire de la merde. Bien sûr. Oui. Lord Cosinus. Présent. Exactement. Ouais, avec la voix de Chirac. Hein. Alors c'est, je peux vous la faire. Alors je suis pas né à Marseille, hein, mais effectivement, ça va même peut-être pas ça. Il y a comme un air de Jacques Chirac au fond de ma voix. Ah dis donc, il y a de l'imitation derrière. Pardon. Il y a de l'imitation là derrière. Il y a de l'imitation, il y a du talent. C'est vrai. Il y a de la sincérité surtout. C'est ça que compte. C'est plus important. Voilà, ouais, exactement. Mais c'est ça. C'est effectivement le plus important. Il y a aussi MP 3 14 16. Oui. Alors voilà. Je tiens à dire que je parle depuis tout à l'heure avec le casque à fond. Et que dans 2 minutes, je vais saigner du nez si je ne trouve pas le potard. Ouais, parce qu'en fait, merci. Hein. Alors c'est pas le mien. Il y a eu une inversion de casque. Moi, je tiens à avertir la régie parce que pour l'instant, ça se passe pas très bien. Là, je me tourne vers notre attaché de presse. Arrive. Alors premier truc, déjà, on nous donne des casques. Les boutons, c'est pas les bons. On n'a pas les pépitos. On n'a pas de pépitos. Les pépitos qu'on avait demandé. Je t'explique. On avait demandé 2 paquets de pépitos bleus. Le studio nouveau, on sait pas comment il marche encore. Ce qui est très fort, c'est qu'en essayant, ne vous obligez pas à réemployer le mot potard pendant l'émission, parce que ça va être dur pour vous. En essayant de régler ton casque. t'as coupé le mien. Ah merde. Donc ça marche bien énergie. Ah bah attends, on a tout mis dans la lumière. Ah ouais. Non mais cela dit, attends, pour les auditeurs qui le savent pas, c'est très très beau. C'est maintenant joli. J'entends plus rien, mais c'est ah c'est là. Voilà, tu l'as. C'est bon, j'ai trouvé. On a trouvé le potard. Deuxième truc pour les auditeurs qui le savent pas, c'est très très beau. Il y a des écrans placement partout. Ouais. Avec des logos énergie qui tournent dans tous les. C'est super beau. Ouais, tu veux, on peut te mettre à télé. Hein. C'est vrai. Ah bien sûr. Ok, vas-y. Ça marche. Ah oui, non mais il y a des gens quand même qui écoutent. Ouais, c'est ça. Bon. Bon, donc il y a aussi PPG ou PPG, je sais pas comment je vous dis. Bonsoir. À l'américaine ou pas? Oui, à la PPG. Ah, PPG, très bien, à la française. Tout simplement. C'est parfait. Et puis Lady K. Yeah. Ou Lady K. Lady K. Lady K, d'accord. Ouais. Donc tout est à la française alors. Oui, oui, tout est à... Bah ils sont marseillais. Hein. C'est vrai aussi, effectivement, ouais. Bon, donc en pleine forme, ça va, vous avez trouvé facilement? Non, oui. je suis malade, j'ai une grave maladie. Oui, la grippe A, comme tu dis. Je suis pas bien. Il a des couches, il a des couches, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai. F comme fausse. Faust, grippe, littérature peut-être. Fausse. Non, fausse. Grippe. Autant pour moi, j'ai pas suivi. C'est pas grave. On est sur t'es à la radio, énergie. Énergie, ouais, ça, c'est voilà. D'ailleurs, s'il vous plaît, j'avais passe-temps. 21h34. Merci. J'avais une petite question, c'est votre première radio? C'est notre, en tant que punition collective? C'est pas mal. Non, non. En général. En général comme vous aviez du mal à trouver de tourner le bouton. Non, ça, on a fait un peu de radio avant. J'étais dans des radios de jeunes, un petit peu comme énergie. Hein. D'accord. On a un petit peu oublié depuis le temps. Oui, bah je sais bien. Ça date. Ah, oui, bah c'est ça. Ça fait deux mois qu'on s'est arrêté. Par contre, vous êtes les premiers à nous inviter. Oui, ça c'est vrai. Oui. Merci. Mais ça, il faut le dire. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. C'est très sympa. Non, en fait, il faut dire merci aux auditeurs parce qu'il y en a un qui m'a proposé le truc. J'ai dit, mais c'est de la merde. Oui, c'est normal. Non, mais attends. De toute façon, nous-mêmes, moi je vous le dis, on préfère PZK. Ah, ben voilà. mais sérieusement, on les a reçus la semaine dernière. Mais je sais bien, c'est pour ça. On le sait, t'inquiète. Bon, c'est tout. Première question quand même, parce que nous sommes des professionnels. Question évidente, est-ce que c'est le single de la maturité? J'aime beaucoup ce genre de questions. Je suis pas préparé à ça. Alors écoute, c'est peut-être pas le single de la maturité. Mais c'est celui qui nous ressemble le plus. Peut-être. C'est un truc qui nous ressemble. Voilà. C'est un truc qui nous a fait marrer vraiment. On l'a fait. En fait, c'est parti d'une grosse connerie. Avec, non. Oui, on peut le dire maintenant que c'est fait. Avec c'est pas sérieux. Johan. Non, c'est pas du sérieux. Attention, on n'est pas premier degré. C'est pas du vrai rap. Non. Ah non, bah si, je vous le dis. Tu ne passeras pas sur Skyrock. Non, bah on passera non. Pas sur jamais. Non. Ça, c'est du faux rap. C'est de la parodie. C'est de la déconnade. On s'est retrouvé dans un studio un jour. Johan était dans un état d'ébriété avancé. Il a commencé à rapper ce truc-là et on s'est dit on va le garder. Et voilà ce qui s'est passé. D'accord, ok. Voilà. Bah alors pourquoi Ceci dit, vous pouvez passer sur Skyrock quand même. Hein. Oui, dans je suis pas sûr. Je pense pas. Ça bah, a... fait longtemps que t'as pas non. écouté alors. Hein. Non, on me dit non. Non mais si, c'est comme tout. Si ça marche, ça passera. Quoi. Voilà, évidemment, pas. Bon, et pourquoi Marseille? Pourquoi vous acharnez sur Marseille? C'est le berceau du rap. C'est la ville préférée du roux. Ah, j'adore. Ah non, ça charme pas. Attends, il y a un roux ici. Ouais, il est là. Il se cache. Petit homme aux cheveux de feu. Ouais. Qui le soleil sur des morsures. Yeah. Et attention, il a mis la veste qu'il a reçue de son grand-père, Johnny Hallyday. C'est pour ressembler à Looping dans Assurance. Pas mal. C'est pas mal. Ouais, Samy dans Scooby-Doo un peu. Et ça, c'est une vanne de Cartman d'habitude, donc je m'excuse auprès de lui parce que d'habitude c'est lui qui l'a fait. T'aurais dû lui laisser, ceci dit. Ouais, mais il l'a pas dégainé. Tu vois, il faut la dégainer. Bon, et donc pourquoi Marseille? Il y a une raison Bah, c'est le berceau du rap. Oui. Eh oui. Non. Voilà, non. Il fallait pas chercher français, plus loin. Du rap français. Du rap français, ouais. Du rap français. Après, presque mondial. Presque oui, mondial. Oui. Ouais. Après, il y a NTM qui va gueuler. Hein. Alors là, je suis en train de boire, donc j'ai pas pu répondre. Voilà, mais ça, ouais. Là, maintenant, je vais pouvoir te répondre. Non, c'est vrai que il se passe quelque chose à Marseille. Il y a plein de groupes. Ça part d'IAM. Il y a plein de groupes qui sont faits à Marseille. Il y a des rats, ça pue. Il y a plein de choses à Marseille. Oh, comment tu parles de Marseille? Ça, c'est le roux. C'est le roux qui dit ça. C'est le roux qui parle de puer. C'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Attendez, merde. Attention, j'ai de l'eau. Oui, mais fais attention, effectivement. Je crois que le studio coûte très très cher. Il faut vraiment pas déconner avec le matos. Mais ils avaient le droit de tout casser avant. Il va falloir y aller en SACM pour repayer le studio. Merde, moi. On croise les doigts. Alors, petite question, le prof de sport là, avec sa tache de pisse sur le jogging, c'est du vécu ou pas? Oui. Ah bah oui, tous les profs de sport ont eu une tache de pipi sur le... Les nôtres en tout cas, ouais. Ouais, Sandro en a une d'ailleurs actuellement. Les profs de PS, moi tous ceux que j'ai connus, c'est simple, ils faisaient pas de sport. Oui, exactement. Ils se mettaient sur un banc, ils balançaient des marrons. Des marrons, voilà. Exactement. Et quand, comme ils portaient pas de slip, quand ils faisaient pipi, il y avait la goutte. La goutte sur le jogging. Donc voilà pourquoi la tache de pipi sur la Dida. Ça alors, très bien. La dernière goutte, c'est pour le slip. C'est pour le slip. Ah bah oui, ils connaissent ça. C'est étonnant ça. Hein. Et qu'on la secoue ou qu'on la gifle. On avait compris. Non mais attendez. Vas-y, là, ça va. On est professeurs, faut éduquer. Bon, et l'école, là, vous en avez gardé quoi? Enfin, pour ceux qui ont été, bien sûr. La prison. Ah ouais. Putain, sale souvenir. Non. Si on avait eu des profs comme ça, franchement, on serait allé à l'école. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. Très bien. Sinon, on pouvait faire un single avec les bébés brunes. Ah oui, ça nous intéresse. On veut bien. Nous, dès qu'il y a moyen de se faire de la thune, ça nous intéresse. On est chaud sur tous les plans. Alors, PZK, Bébé Brune, envoyez vos projets. C'est ça. Attends, faites un triple album. Mais avec grand plaisir. Vous vendez le truc et hop, là, je déconne pas, en plus, on sera ravis. Non, mais pour question sérieuse. Ouais. En cours, vous foutiez le bordel ou pas? Non. Pas du... J'étais délégué de classe, tu vois. Là, oh là là, là. Mais justement, c'était une... Fayotte. Mais ouais. Pas du tout. Parce que du coup, dès que je mettais un petit peu le bordel, on va continuer à t'appeler. Les... On va continuer à t'appeler Lélica pour. Faut pas dire me remerciera plus tard pour l'anonymat. Non, oui, j'ai décidé d'avoir une voix masculine ce soir. T'étais délégué. Et vous étiez délégué aussi, vous trois là? Moi, j'étais un fumiste. Toi, t'as une tête de délégué, toi. Ouais, non, j'étais, je sais ce qu'on appelle un fumiste, un fauderche. C'est-à-dire que je souriais devant les profs et derrière, eh ben, je leur balançais un truc ou je faisais un sale coup. C'est plus ça. Moi, j'étais un vicelard. T'étais un vicelard, en fait. Un petit vicelard. D'accord. De toute façon, t'as une tête de vicelard. Bon. Ouais. J'adore les enfants. Non. Arrête-toi ici. Vous avez pas vu sa tête. J'ai un personnage qui s'appelle Robert Guano, qui est photographe. C'est lui là qui vous parle en ce moment et qui aime beaucoup les enfants et qui adore les jeunes. Les jeunes, bien sûr, la jeunesse quoi. Fais gaffe parce que la moitié de l'équipe est belge. Il a tout direct. On a diffusé en Belgique là. Non, attention. Non, plus maintenant, mais la moitié de l'équipe est belge quand même, donc bon, très bien. Par respect. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, votre plus grosse connerie au bahut? Qu'est-ce qu'on a pu faire comme tirer le signal, comme on appelle ça, les trucs. Bon, voilà, pour faire évacuer l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait péter 4 étages à la bombe. Oui, mais ça c'est parce qu'il est corse. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'ai séquestré ma prof de maths pendant une semaine. Ça va. Mais des ça trucs reste cool, quoi. Ouais, trucs classiques en Corse. C'est ça, ouais, à la cool, quoi. D'accord, ok. Karima a volé un effaceur, il me semble. Non, j'ai volé la blouse de mon prof de maths. Ah. Mais qu'est-ce que tu en as fait de la blouse? Oh, quand même. Ah, je l'ai mis aux toilettes. Ah ouais, donc c'est volé pour voler. Ok. Il était pas sympa alors. Non, mais on a bien vu. Bon, écoute, il n'y a pas de soucis. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est. On a un petit jeu qu'on fait d'habitude, c'est le jeu des amis. Donc en fait, en gros, concrètement, c'est par rapport à Facebook. Vous avez un Facebook ou faites-vous ou pas? Bien sûr. D'ailleurs, bien sûr. Je t'ai fait une demande, j'attends toujours. Oui, j'avais envie de te poquer. J'ai dû te jeter, je pense. Et puis t'as pas rejoint mon gang dans la guerre des gangs? Oui. Ah non, merde. Ouais, mais maintenant tu peux le kidnapper avec un loup. Ouais. Il y a un nouveau truc. Ce que tu aurais dû faire effectivement, c'est de m'envoyer l'application pour que je puisse te suivre même quand t'es dans les chiottes. Autant pour moi, je ferai ça plus tard. Ouais. C'est dommage parce que regarde Tof qui est là-bas derrière là, malheureusement il a pas de micro. Lui il a l'application pour savoir quelle est la chemise la plus moche. D'accord. Elle marche l'application. Et l'application fonctionne à merveille. Ah si. Ça tombe sur qui? Bah Tof. Ça tombe toujours sur moi. Ouais, c'est ça. Oh pauvre malheureux. Ouais, je sais. Calimero. Je souffre. Petit sel te va. Non mais il le fait exprès. Juste une petite question, on va demander à la seule fille en tant qu'invité, bien évidemment. Karima, qu'est-ce que tu penses de Tof physiquement? Mais fais-le sans me regarder par contre. C'est facile. Attends, Tof c'est la fille avec une moustache. Ouais. Et une barbe. Et une barbe. Officiellement ou officieusement? Mais non, officiellement. Ah, il est fantastique. Bon, officieusement. Franchement, pas mon genre. Désolé, Tof. Y a pas de mal. Merci, mais j'aime ta chemise. Ah, ouais. Oh là là, c'est pour moi ça apparemment. Mais ça, c'est beau. Ouais, mais c'est une couleur de fille normalement. Le ça que j'ai. Si ça lui rend service. Bon allez, arrêtons le pauvre. Donc on va faire le jeu des amis. Ce que je propose, c'est qu'on fasse Nico et Cartman sur le coup. Mais rassurez-vous, vous pourrez vous foutre de leur gueule. Y a pas de malaise. Alors, du coup, je sais pas qui c'est qui a répondu aux questions. C'est moi, c'est moi. Ah, donc toi t'as répondu aux questions. Mais j'ai rien dit à Miko. Très bien. Ah, c'est ça bien. Que t'étais en train de faire. Oui. Parfait. Donc, je pose les questions à Miko. Vas-y. Attention. Depuis combien de temps vous connaissez? 8 ans. D'accord, très bien. Quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? À qui? À lui? Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait pu... Je sais pas, une prostituée transsexuelle. C'est un cadeau de toi apparemment. Non, ça c'est un beau cadeau de prostituée transsexuelle. Ah oui, c'est en radio. Attention, non, peut-être. Non, c'est pas ça. Je lance peut-être une idée, j'ai la réponse. Vas-y. C'est peut-être un cadeau de Koé. Non. Ah je sais pas. Non, mais c'est pas de lui. Ah bon. Ce n'est pas de lui. Je sais qu'une fois à l'antenne on lui a offert de la cocaïne. Non. Mais c'est de la fausse hein, c'était de la fausse. Ouais. J'entends bien. Non, bon bah c'était un chèque en bois. Ouais. Ah il t'a offert ça? Ouais, on m'a offert un chèque en bois. Ah c'est sympa. C'est quelqu'un de ma famille, je tire le nom. Très bien. Donc. Quel est le lieu le plus insolite où il fait l'amour? Qui Cartman? Réponse automatique. La Corse? C'est insolite. Le lieu dans les fesses? Dans les fesses. Ouais, dans les fesses, effectivement. Ah, c'est ça. Réponse. C'est ça. Pas mal. Allez, un partout. Une mauvaise et une bonne réponse. Alors attention, si tu étais un chien, tu t'appelles. Enfin, s'il était un chien, il s'appellerait comment? Gaëtan. Non. Non, non, non. Non, étrange. À mon avis, ça a dû venir comme ça. Ah, Bazooka. Oui, bonne réponse. Ouais, mais c'est raté, hein. Évidemment. Ouais, t'as quand même donné deux mauvaises réponses. C'est parce que ma fille s'appelle Bazooka. Voilà, voilà. Quelle est la pire honte de sa vie? La pire honte de la vie de Cartman, c'est pas de se foutre à poil déjà. Non, bah non. C'est d'être habillé. Ouais, peut-être. Peut-être. Pas ça non plus. La pire honte? Oui. Oh, j'ai répondu un truc générique. Je crois que j'ai dit ma naissance. Bandé. Oui, effectivement. Si tu rends les rêves, si tu donnes les réponses, maintenant c'est pas gagné. Allez, attention. Son dernier rêve. Mais comment tu veux que je le sache, moi? Je vis pas avec lui, enfin pas officiellement. Oui, c'est ça. Je sais pas, tu rêvais que tu te tapais un hippopotame peut-être. Eh ben, presque. C'est presque ça, c'est presque ça. Oh, non. Ah, je sens que j'étais pas loin. C'est pas très loin. Qui c'est qui va prendre? Et oui, qui chantait avec Cindy Sander. Eh, le hasard fait bien les choses. Ouais, t'as vu un peu, on peut peut-être citer trois gros. Hein, on peut peut-être citer trois gros pour, oui, pour pas faire de pub. Colini, Guy Carlier, voilà, c'est bon. Bon, Jean-Marc Manlin. C'est vrai qu'il a grossi. A-t-il déjà eu une relation homosexuelle? Oui, avec moi. Oui, bah plusieurs fois, donc ouais, bon allez, je compte comme une bonne réponse, on va pas chipoter. Hein. Quelle est la partie de son corps la plus poilue? Une indice, c'est pas sa tête. Le nunus. Ah non. Ah non, ah non, non, non. Les narines. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, il y a du monde là-dedans. Hein. C'est la forêt. Je cultive ça. Hein. Très bien. Alors, une autre petite question. Quel était son plus grand fantasme? Je connais ton... C'est Brice Hortefeux. Voilà. C'est lui. Si, si. Son plus grand fantasme, se taper Ophélie Winter. Non. C'est pas ça? Mais merde, je te connais mal, on dirait les amours, s'il va mettre le carton sur la table, on se connaît pas bien. Non, tu connais ma passion pour Weeman, pour... Ah, les nains, bien voilà. Sûr, faire l'amour avec les nains. Exactement. Il est passionné de nains. Si vous êtes nains, envoyez votre... voilà. On avait un gars comme ça dans l'équipe qui voulait aussi, qui avait un fantasme de coucher avec des nains. Ah oui, non, mais moi c'est pas coucher, hein, c'est être ami. Non, c'est juste être ami, le tenir par la main. D'accord. Je sais pas, c'est un vrai fantasme. On l'a viré. Ah merde. Mais c'est, ça n'a peut-être rien à voir aussi. Hein. Okay. Allez, dernière question maintenant. Alors, ça s'est choisi en plus. Hein. Ouais. Quel est le prénom de sa dernière petite amie? De ma dernière petite amie? Ouais. Karima? Non. Ah, avant. Non mais ça c'est une question qui était pas écrite, je pense. Si c'est marqué. Alors ça c'est drôle. C'est vrai? Si c'est marqué. Je l'ai dit ou pas? Bah non mais j'ai tu l'as dit. On peut tous le sortir. Bon bah c'est moi. Bernard. Bernard Montiel évidemment. Oui mais c'est lui qui t'a plaqué. Je voulais pas le citer. C'est pas grave, ça arrive. Cette mauvaise réponse. Ah ouais quand même. Vous avez Karima, on peut dire que c'est une bonne. Ouais, c'est quoi? Ouais. Écoute, réponse. Non, le micro de Toff ne marche pas. Allô, la régie, on a un problème avec le micro de Toff. Voilà, je crois ça marche. C'est fait exprès. Ah voilà. Oui, en fait, on voulait pas entendre. Non, mais c'est. Non, mais de toute façon, c'est ton. Merci. C'est horrible de faire une blague à retard. Ouais, c'est horrible. Ça sert plus à rien. Non, mais c'est bon. Et t'as une très belle chemise. Oui. Voilà. Écoute, c'est le principal. Donc ouais, cette mauvaise réponse, c'est pas terrible. Bon. Merde. Bah, écoute, je te ferai l'amour deux fois plus. Ouais. Et là, il paraît nickel. Ouais. Non. Ça ira. À ce niveau-là, on est tranquille. Mickaël, le podcast. Donc on a reçu par amour. Hier, on leur a demandé si ça les embêtait qu'on les compare à Evanescence. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce que ça vous embête, vous, qu'on vous compare pas? Non, c'est une question sérieuse. Je m'en vais un petit peu de sérieux. Écoute, je préfère qu'on nous compare pas, qu'on nous compare à des gens incomparables. D'accord. Et je terminerai là-dessus. Ça, c'est bon. Non, sérieusement, est-ce que ça vous emmerderait, par exemple, qu'on vous dise oh, vous êtes les nouveaux Fatal Bazooka? Ah non, ça nous arrangerait, on s'en fout du bout d'argent. Si on pouvait vendre autant qu'eux. Ouais, alors on le dit tout de suite, hein, si vous considérez qu'on est les nouveaux Fatal Bazooka, n'hésitez surtout pas à le dire, ça nous fait très plaisir. En plus, on a pris un mec qui ressemble un petit peu à Michael Youn, parce que Michael était beaucoup trop cher. C'est le mix entre Youn et Chirac. Exactement. Donc, voilà. Ah, c'est une question d'oseille en fait, c'est pour ça que vous avez pas pris Michael. C'est évident. D'accord, c'est pour rabais, hein, punition collective. En fait, j'allais chercher quand même les mecs les moins chers sur le marché, c'est-à-dire moi. Mais qui t'étais free. Hein. C'est le Fatal Bazooka du pauvre. C'est ça. Et bah, c'est un peu ça. D'accord. Non, mais ça n'a rien à voir avec Fatal Bazooka, on utilise le rap comme moyen d'expression, puisque c'est un moyen dans lequel on s'en. Exactement, de rébellion. De rébellion, mais mis à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à voir avec Fatal Bazooka. Il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de... Voilà. D'accord. Il y aura peut-être une suite, il y aura peut-être un album. Mais j'espère pour vous et que vous reviendrez, bien évidemment. Avec grand plaisir. Bon, très bien. Ça vous fait pas bizarre d'être là en radio sans le patron? Si, ça fait un peu bizarre. Ça fait déjà ça. Johan, tu trouves que c'est bizarre? Qu'est-ce que t'en penses, Johan? J'ai jamais eu de patron ni d'olivette. En plus, Abiko Cartman sur, pour la peine. Hein. Alors si, ça fait étrange. Ça fait étrange, d'autant plus que c'est la seule radio quasiment qu'on n'est pas faite avec lui. Enfin, c'est vrai. La première fois qu'on vient tout seul dans une autre radio. Effectivement. Et d'habitude, il est là pour nous tenir la main. Ouais, c'est ça. Il nous accompagne. T'es un papa qui amène ses enfants à l'école. Un grand frère plutôt. Ouais, bon, allez, grand frère. Alors effectivement. Non, sérieusement, là, vous êtes ses amis. Soyez honnête. Vous auriez accepté tourner manège? Franchement, la vérité, moi j'aurais accepté en tant que Charlie Oleg parce que j'ai fait 5 ans d'orgue. Et ça, c'est la vérité. Nico, il s'est joué à l'orgue, mais tu sais, celui où il y a les basses qui sont en bas. La vraie, tu as deux claviers, tu as le pied droit qui dirige le volume, en fait. Eh bien, nous avons cette machine ici. C'est pas vrai, mais moi je joue un truc. Non, mais faut savoir un truc, c'est que tourner manège en soi, c'est une émission culte. Mais tourner manège dans les mains de Koé, moi je le connais. Ça va être une émission pourrie. Mais non, mais au contraire. Je pense que justement lui il va refiler un coup de patate à ce truc là qui est, c'est vrai, la formule elle va bien marcher, mais il faut quelqu'un qui puisse l'incarner. Oui, alors le seul problème c'est qu'il va falloir du monde pour tourner le manège. Hein. Alors écoutez, non seulement c'est une blague, mais qui est con, mais c'est mon père. Voilà, c'est Johan Coé. Je me permets de faire cette blague parce que c'est mon papa. Il m'a dit, tu prends Miko et Cartman, tu vas t'amuser, tu fais un peu de musique et tu me les ramènes. Tu me les ramènes et tu les casses pas. Voilà, en un seul morceau. Bon, t'as non, vu comment il parle de toi, Coé? Franchement, je trouve que c'est bien. Ah, t'as voulu nous faire un coup de pute. T'as pas du tout. Tu voulais qu'on balance des trucs salauds sur notre patron. Tu voulais qu'on dise des trucs salons, on l'a même pas dit. T'as vu un peu, c'est sacré soirée, bienvenue. Par contre, c'est génial. Franchement, je trouve ça vachement bien. Je m'attendais à un truc. Et la saloperie du manège qui a eu du mal à tourner, elle venait même pas de. Mais c'est pas nous, hein. Alors, c'est pas nous. C'est la personne qui a rejoint, c'est le dernier. C'est le sans-papier. Oui, c'est le Michael Youn pauvre. Voilà. Mais c'est parce que physiquement il me connaît pas, il sait que je peux m'énerver très fort. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il faut pas vanner. Non, vous savez qu'il faut pas vanner les cheveux, le poids, parce que je peux m'énerver. Exactement. Mais voilà. D'ailleurs, on est fan de toi à ce niveau-là. Hein. Ouais. Comment ça va? Bah bien, putain, ça y est, vous faites comme Philippe Risoli. Vous faites de la musique. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai que Philippe Risoli en a fait avant nous. Oh, Koé, mais... c'est pas gentil, ils t'ont même pas cassé, toi, t'as vu un peu, t'arrives et. Mais attendez, oh, c'est gentil. On a passé des années à se le faire, il y a des horaires plus matinales que vous, les gars. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on s'est effectivement. Dis d'ailleurs, je me posais une question là. T'es de plus en plus souvent sur Énergie. Hein. Écoutez, vous savez que cette radio, je l'ai même dirigée. Ah oui, oui. On n'était pas là à l'époque encore. Hein. Vous n'étiez pas là. Et si j'avais été là, vous n'auriez pas été là longtemps. C'est même très probable. Bon, sinon tout va bien. Vous êtes en forme. Ça se passe super bien. Bah écoute, ça va. On fait garderie ce soir. Tout va bien. On est venu avec les enfants, on déconne un petit peu dans les studios, mais on tâche pas parce que c'est le studio tout neuf. Oui. Exactement, nos amis, il faut pas casser. Vous avez vu, il paraît qu'ils ont mis du pognon dans c'est les locaux. Incroyable. Il paraît que les meubles ils sont calés sur des liasses de billets. Exactement. Mais en fait, c'était avant. En fait, on a pu économiser depuis qu'il est parti, il y a quelques années. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le faire, le studio. Maintenant, on comprend. Voilà, avec le nombre de patrons qui partent, vous allez économiser vachement. Ah ben ça, je te confirme. Hein. Mais c'est ouais, vraiment cool. Si on peut ouvrir les vannes, on y va. Hein. Ah non, mais vas-y. Écoute, sincèrement, moi, je mise, 6 mois et puis je viens avec mes disques. Non, mais c'est vrai. Hein. Il paraît que les studios sont super beaux et tout. Non, il paraît que c'est beau. Hein. Bah, non, c'est impressionnant. Les micros sont en marbre. C'est bien ça. Bah, en tout cas, ça nous fait bien plaisir de t'entendre. Bah écoutez, moi aussi, ils sont quelle couleur cette année? Est-ce que Miko est revenu de vacances vert? Est-ce que Cartman est revenu blanc? Moi je suis revenu blanc. Non, on est à Paris depuis le 24 juillet. On a eu le temps de se faire chier. Moi je me souviens de Cartman qui a eu une fois une espèce de petite saloperie. Comment ça s'appelle cette maladie que j'ai eue aussi? Chikungunya. Oui, non. C'est un truc qui fait des... C'est une espèce de saloperie. La chaude pisse. Non, c'est pas ça. Non, on a tous su, mais c'est pas une maladie. Non, c'est une petite saloperie, un espèce de petite, un truc qui te file des plaques en fait, et tu peux le mettre au soleil pendant 6 mois. Ah oui, Cartman, je l'avais vu un matin avec 3 boutons. Je lui dis là, t'en as pour 6 semaines. Et il me dit ouais, vas-y, c'est encore une vanne. Et c'était le cas. Et il a passé tout l'été en t-shirt. C'est vrai. Donc il est revenu blanc, comme c'était pas permis. Et le peu que j'ai bronzé en zèbre, parce qu'il y avait les taches qui empêchent de bronzer en fait. Ah oui, c'est dur la vie des chanteurs. Oui, c'est très dur, on se rend pas compte. Ah, c'est violent quand même. Bon, non, mais en tout cas on va se revoir bientôt parce qu'on est en train de préparer une émission avec Miko et Cartman qui va s'appeler 15 ans de radio, puis on en reparlera parce qu'il y a un DVD dans lequel ils sont obligatoirement vachement dedans. Ah putain, je pensais que Koé nous proposait de nous faire une émission de télé. Je me dis bah écoute ouais, si tu veux on peut faire un truc pas trop cher nous. Hein, tu veux faire tourner le manège? Voilà, Ouais. Non, c'est bon, pour ça on recrute pas. Il y en a d'autres derrière, mais pour ça on recrute pas. Ça va, ça va. C'est bon, bon, mais très bien. Bon, je vais vous faire deux imitations très courtes, à vous de reconnaître, d'accord? D'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Attention, attention. Putain, sans déconner, je me lève tôt le matin, j'ai la tête dans le cul. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Putain, il m'avait dit que ça serait facile, j'en chie et tout, c'est Koé, trop dur. Koé, Koé, Koé, Koé. Tais-toi parce qu'il est là. Ah, alors je vous en fais une autre, d'accord? À vous de reconnaître. Vas-y, vas-y. Oh, non, ouais, c'est Jean-Paul, il y a l'eau du tunnel qui est en train de couler, ça commence à coûter cher cette connerie. Hein. Je vais pas virer un patron tous les 6 mois, je vois rien. Hein. Allez, je vous laisse deviner qui c'est. Eh ben écoute, je crois qu'on l'a tous deviné. On s'est pas trop jamais croisé, nous. Je crois que c'est le patron de Virgin. Mais il sait pas où c'est, hein, dites-lui que c'est. Bon, je vous embrasse, en merci. Tout cas, Nico et Carte, bah, gros bisous. Bien. Bon, allez, salut. On se voit très bientôt pour les 15 ans. Et allez, puis, plaisir. Portez-vous bien tous. Bon, allez, attention, tiens, attention, je te le dis tout de suite, pour les 15 ans, il y aura des surprises. On est dessus avec Miko, il y aura des surprises. Très bien, bah ça tiens-toi, pas attention. Mal. Ça s'annonce pas mal. Bon, bah, bonne chance pour tourner manège et puis bah quand tu veux, tu passes, il n'y a pas de problème. Ciao, à très bientôt. Vous n'avez pas déménagé encore? De quoi? Vous n'avez pas déménagé, vous êtes ah non, non, pas encore. Mais par contre, il y a des échos comme quoi on irait dans le 78. C'est une question d'économie. Hein. Ah putain, connaît, c'est dur. Ouais, j'ai entendu dire Roubaix. Est-ce qu'il y a toujours la minuterie à eau chaude dans les toilettes du 6ème? Ah non, non, non. Putain, c'est précis. Quand on voulait avoir de l'eau, il fallait appuyer dessus parce que ça s'arrêtait au bout de 5 secondes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Maintenant. Non, non, on doit venir avec nos bouteilles, attends, tu penses. Bon, allez, salut Koé. Bisous. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye bye. C'est sympa. Bah, très bonne vous avez surprise. Vu un peu sacré soirée tout ça, genre ouais, c'est vachement fait. Bien. Moi ma deuxième idole après Koé c'est Michael Jackson. Donc, fait... non, le message est lancé. Je vous attends, je vous attends. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça faisait très Mireille Dumas hein, par petite contre. Oui, c'est vrai. Petite question, vous avez prévu une petite tournée dans les écoles ou pas? Écoute, je te dis la vérité, on aimerait bien. Ah, vous aimeriez bien? On aimerait bien, et d'ailleurs, on peut le dire, hein, maintenant que c'est que la machine est lancée, je pense qu'on va essayer d'organiser un concert dans un collège. D'accord. Le collège le plus méritant. Eh ben écoute, celui dont le proviseur est le plus cool. Bah, allez dans celui où Sandro était. Voilà. Ah, vous êtes bien accueillis. T'étais où? Parce que la tête que t'as faite était à Saint-Denis. À Saint-Denis, ah sympa. Sortez du Marseille à Saint-Denis, oui. Ouais. On va se faire jeter des cailloux. Mais non, mais, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Sinon, autre question, après vous ferez la chanson en live. Comme vous êtes 4 dans le groupe, c'est pas un. Comment ça? Ils sont 3. Ah, c'est un featuring en fait. Ah, oui, ah, oui, mais enfin, tu chantes. Oui, oui, oui. Voilà. Sur le morceau. Non, sur le morceau. Bon, bah, vous êtes 4 sur le morceau, voilà. C'est pas un peu relou pour les. Ouais, t'as vu ou pas? C'est pas un peu relou pour les droits d'auteur? Non. Alors faut savoir que. Ça y est, les regarde. Choses qui fâchent. Ah, ça y est, on y arrive. Alors faut savoir que. Qui prend Johan n'est absolument pas au courant de l'existence des droits d'auteur. Je voudrais pas qu'il mentionne cette partie. Il n'est pas payé. Très bien, enfin il est payé au minimum quoi. Au black, comme ouais, tout le monde. Et bah, dans d'essence, un sandwich, un casse-dalle, on est bon hein. C'est normal. Et Karima, juste une petite question. En t'inscrivant à la Starac, t'aurais imaginé finir là? Quoi? T'as fait la Starac? J'ai oublié de vous le dire. Quand t'as fait ça? Je sais pas. Ah tu sais pas, pas beaucoup d'émotions, il va se passer beaucoup de choses au château. Oui, je me suis inscrite pour rencontrer Nico, ça en fait. D'accord, bah il est là. Salut les loups. Ouais, ta gueule. Attends Nico, s'il est là, tout va bien ce matin, il est 6h. Il m'a bien fait rire Nico au début. On sentait qu'il était complètement à l'arrache le matin. C'est pas son heure, mais c'est normal. Il a dit à tire-larigot. Il a dit à tire-larigot. Oui, je vais bon, vous faire gagner des cadeaux à tire-larigot. Non, mais ils viennent TF1. C'est pas une expression de pacotille. Ah, non. Non, mais ils viennent TF1 et je trouve que malgré tout, il est quand même. Il s'est bien adapté. Ça le fait. Il s'est bien adapté. Il a du panache. Et surtout, il bosse. Putain, il arrive à 5h du mat, il est encore là à 21h. Lui demandez pas de chanter en grec parce que c'est insupportable. Non, non, bon allez, puisque vous proposez, commencez à chanter. Allez. Ah, faut y aller maintenant. Bah allons-y. Okay. Donc le son donc de punition collective avec. Alors on dit peut dire Marseille ou il faut tout y play? C'est un peu relou. Hein. Marseille, voilà, donc le son live de Marseille. Punition collective en featuring avec Karima. Merci. Voilà. Non parce que j'ai bien compris que ça lui tenait à cœur. Lady K, voilà, exactement, ouais. Allez, bah quand vous voulez les gars. On est là en direct, punition collective sur Énergie, la radio aux 4 lettres. Bla tout le monde est là. Sortez vos classeurs. Ouais. Crew de profs gros. Éducation nationale. MP314 représente les profs de maths. Marseille, c'est Lord Cosinus. Et PPG, professeur de PS. 5 fruits et légumes par jour. Et papa tango. Whisky Québec, Skippy Dango. Check mon rap mathématique. Wouh. Et c'est pas testé. Le Cosinus de Mancou. La circonférence de métropole. Yo. Et Pythagore, Thalès, tous unis d'une manière adjacente. N'oublie pas ici, tous les angles sont droits. Je joue à terre sur la canière, quadrilatère. Il est temps de résoudre l'équation. Règle de 3, c'est la hala. 2x plus 6, 2x plus 6, c'est pour le pastis. Marseille, M-A-L-S-E-I. nos amis, nos amours, nos bagnoles. Fernandel, les sardines, Marcel Pagnol. Marseille, M-A-R-S-E-I-L-L-E. À 2h30 de Paris en TGV. Bouillabaisse et Pambagna volonté. Spi, 3, 14 et 1, 6. Bouge du rond, 13 000 pour mes complices. Dické, FCPE, représente le CE. Clic, clic, sors le stylo habile. Clic, clic, c'est un contrôle surprise, mais faut-il que je le scande pour le triangle rectangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Marseille, M-A-R-S-E-I-L-L-E. Nos amis, nos amours, nos bagnoles. Fernandel, les sardines, Marcel Pagnol. Marseille, M-A-R-S-E-I-L-L-E. À 2h30 de Paris en TGV. Bouillabaisse et Pambagna à volonté. Coup de sifflet en position, tenez-vous prêt pour les tractions. Jogging moulin, bague au diamant, chez le prof de PS, tout le monde y serre les fesses. Sur mon Adidas, y'a la tache de pipi. Mon sac d'humain est toujours bien rempli. C'est le cours de gymnastique. Je suis en forme olympique. Marseille, M-A-R-S-E-I-L-L-E. Nos amis, nos amours, nos bagnoles. Fernandel, les sardines, Marcel Pagnol. Marseille, M-A-R-S-E-I-L-L-E. À 2h30 de Paris en TGV. Bouillabaisse et Pambagna à volonté. M-A-R-S-E-I-L-L-E. De droite parallèle ne se touche jamais. C'est l'éducation nationale. C'est voilà le son de punition collective avec Marseille sur Énergie, la radio en 4 lettres. C'est fou. Hein. Mais, ça t'as vu un peu. On chanterait ça sur Énergie. T'as vu ? C'est fou. Hein. C'est fou quand même. Hein. C'est incroyable. C'est... Vous avez déjà passé des trucs plus fous que ça. Hein. Mais c'est fou. C'est l'escroquerie. Ça j'avoue. Ça j'avoue également. Ouais. On a aussi eu des. Comment ? Aussi. On a aussi eu. Je me suis répété. Je me suis dit je fais une faute là, mais oui, vous ne la voyez pas. Le principal c'est de se rendre compte. On a aussi eu des lives plus difficiles. Ah non. Plus difficiles. Alors attends, le roux dit mieux. Bah on a eu mieux aussi, hein, excusez-nous. Bon d'accord, ça peut arriver. En même temps, début, c'est notre premier live. Non, mais on a eu pire aussi, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, on a eu pire. Mais qui pire. Vas-y, balance, balance. Si, le mec qui avait oublié les paroles. Jean-Luc Ley. Ah ouais, c'est Michel, je sais plus. Michel, c'est plus. Nozuka. Justin Nozuka, ouais. Ouais, je crois. Attends, tu veux dire qu'on a mieux chanté que Justin Nozuka? Non, lui, il avait oublié les paroles, mais après, il s'est rattrapé. Il a fait un truc bien après, vous inquiétez pas. Mais justement, on avait fouillé partout et aucune trace de toi, en fait. On voulait savoir d'où tu sortais. On t'appelle Lord ou... Ouais, tu peux appeler Lord. Lord. Écoute, j'ai envie de me présenter comme un type extraordinaire. Voilà, en toute simplicité. Un type plein de ressources, plein de talent. Il n'osera pas le dire, mais il est l'animateur d'une émission qui est culte pour pas mal de gens qui s'appelle Level One. Qui était culte pour pas mal de gens sur Game One. Et c'était une émission de jeux vidéo où avec une bande d'amis, ils faisaient n'importe quoi. Voilà. D'accord, voilà. Très bien. Sinon, il peut recruter, je crois, aussi sur IDF1. C'est Mais sans mentir, j'ai fait le casting, j'étais très bien reçu. Pas retenu, mais très bien reçu. C'est la poule. Et c'est tant mieux. T'as été jeté de IDF1? Non. Écoute, je préférerais pas communiquer là-dessus. D'accord, très bien. Voilà. Mais je crois qu'ils ont pris Jackie à sa place parce qu'il clignote et c'est plus simple pour. Non, parce que Jackie couche. Voilà. Et tout simplement. Avec il porte des couches. Hein. Oui, voilà. Non, j'entends bien. Question sérieuse quand même, je crois que c'est la deuxième. Ouais, il y a eu la majorité. C'est pas mal, ça. La moyenne est bonne. Bon rendement. Vous envisagez un album ou c'était juste un délire? Oh, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. On s'est presque fait chier sur cette question quand même. Hein. Non, mais c'est bien de la poser. C'est vrai. Après, écoute, il faudrait répondre. Voilà. Si ça plaît aux gens, il y aura un album derrière. C'est... Non, mais... Ah bah je crois que t'étais là que sur un single. Non, voilà. Je comprends pas pourquoi tu réponds. Mais... Parce que je suis là sur plusieurs chansons. Ah d'accord, voilà. Ok. Donc non, c'est l'album qui est en featuring, pas ce morceau-là. C'est-à-dire qu'on fait des conneries. Ouais. Ça c'est clair. Mais on les fait sérieusement. Mais on essaie de les faire sérieusement. Ouais. Donc on s'est entouré quand même. On essaie de bien les faire. Ouais. Donc on les fait, vous essayez de les faire pécuniairement. Oui, voilà. Aussi. Donc, non mais soyons francs, pécuniairement et avec le cœur. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? On a été voir quelqu'un qui va s'occuper de l'album, je dis en exclusivité. On a été voir P. Diddy. Non mais rigolez pas. Et P. Diddy qui nous a dit non. Donc finalement on a pris quelqu'un d'autre, c'est-à-dire nous-mêmes, et on s'occupe de tout. Bah voilà. Franchement on est parfois jamais mieux servi que par soi-même. Hein. On espère en tout cas. En tout cas ça c'est un truc une qui belle est phrase que j'ai empruntée à Jean-Pierre Foucault. Pas mal, 86. Je vais aller lui les rendre maintenant. Hein. Sinon on a fait aussi une petite analyse sur l'équipe que vous aviez avec Coé, avec oui. Cécile de Minibus qui est partie chez Morandini. Coé oui. qui va faire tourner Manège. Vos punitions collectives, c'est pour oublier? Je sais pas, je demande. Être sérieuse non, ou pas. Non, pour oublier, il y a l'alcool. Et aussi, il y a ça. Et ils arrêtent pas la télé pour autant. Non. Ils arrêtent pas la télé pour autant parce qu'ils sont trop modestes pour le dire. Mais dès octobre, sur Virgin 17, ils ont leur émission. Ah, la bonne attachée de presse, merci. C'est vrai, c'est pas mal. T'as une commission, moi, j'espère. Sur W9, le renvoi. Alors, moi, je vends une Renault 12 TL de 86. Et on passe. Lord. Ouais. Ça me va bien. Moi, ça va bien. Une annonce à passer tant qu'on y est, hein. Bah, un petit bisou à madame, à ma petite femme, tranquillement, hein, qui est chez elle, dans mon petit paf, tranquille en banlieue, avec mon chien, tranquille. Ah. Petit bisou à tous les deux. Quoi. Eh ben très bien. Moi j'ai promis de faire un petit bisou à Théo, c'est notre premier fan à Marseille, qui a 10 c'est ans. Vrai. Je crois, ouais. C'est vrai. Ah c'est le premier alors. Voilà, ouais. C'est le premier, peut-être le seul. Hein. Ouais. Très bien. Il y a juste une question que je voulais poser aussi. Pourquoi vous êtes trois sur la pochette? Parce que single. C'est un featuring. Bonne question. Oui, mais enfin, justement, ouais. Si c'est un featuring que du single. C'est la question de fan. Hein. Tu veux dire pourquoi il n'y a pas Karima sur la pochette? Parce que Photoshop était en panne ce jour-là. Oh. Et d'accord. Qu'on a eu... pourtant, il a bien marché sur vous. Hein. Ouais. Il a tout donné sur nous. Ouais. C'est ça, c'est le problème. C'est que il y avait de défauts. Tous les plugins étaient à fond. Il y avait ah, plus de place merde. Pour merde. D'accord, ok. Alors la petite dernière question aussi, c'est l'euro qui va passer son permis et il voulait l'air 5. Ah, faut parler à Jean-Noël. C'est un monsieur tuning de Marseille. D'accord. Bon. Alors, faut savoir que de l'extérieur, sa caisse, elle est nickel. Mais alors dès que tu rentres à l'intérieur, ça pue. C'est un sacré non, bordel. C'est pas ça, c'est comme chez toi, tu sais, tu fais le ménage, tu ranges tout sous le tapis. Là c'est pareil. Et si tu es de sexe féminin, tu n'as pas le droit de la toucher non, ni de l'approcher non. à moins de 50 mètres. Ah, un vrai Marseillais quoi. Ouais, c'est ah, ça. Ouais. Ah, je suis fait engueuler pour l'avoir approché moi la voiture. Ah ouais. Ah quand même. Il est vraiment fort. Il y a moi qui ai le droit de la conduire. Ouais, ouais, ouais. Parce que je suis moi-même possesseur d'une R5, une GTD. Oh, une GTD. Une GTD et il l'avait jamais prêté à personne. Ouais, c'est vrai. Et il y a que moi qui ai eu l'honneur de mais parce cette, que t'as, cette t'as su l'amadouer. Ouais. C'est surtout ouais, parce que t'es là en trois quarts d'heure avant. Parce que je suis l'ordre. Voilà, exactement. C'est la noblesse. Moi, c'est j'ai un noblesse. Petit message pour le roux. Vas-y. Je voulais dire que si le single marche et qu'il y a un album, il y aura une putain de grosse dédicace pour toi. Pour toi. On n'en dit pas plus. Ça fait plaisir. Mais c'était un truc qu'on avait préparé ouais, avant. Voilà. on peut te donner le titre, ça s'appelle Petit homme aux cheveux de feu. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il y a un album qui est déjà prêt. Et vous attendez de savoir si ça va marcher. On attend le feu vert. Ah, le feu vert, d'accord, ok. Fait chier pendant deux mois pour rien. Bah non parce c'est que figure-toi que de toute façon au pire si jamais de toute façon ils se sont amusés, ils font pas ça pour l'argent, ils font ça pour le sport et mais pour l'amusement. Toi, on fait la même chose. Exactement. On est là pour le fun. Tout à fait. Esprit Pierre Coubertin. Pour l'énergie. Non, pour le pour fun l'énergie. Non mais enfin on est là quoi. C'est... Pour l'énergie. Voilà exactement. Il n'a plus l'habitude le pauvre. C'est pas grave, c'est pas grave. Dernière question. Si vous pouvez, me faites pas comme All American Rejects, je vous expliquerai après. Parce qu'on les a reçus aussi. Si vous choisissez un disque que vous voulez écouter ce soir, n'importe lequel. Sauf le vôtre, forcément. Sauf le nôtre, ouais. Qu'est-ce que vous choisiriez? Oh, là après c'est relou parce que vous êtes 4 donc forcément. D'accord. Est-ce que c'est un disque qui est forcément dans la prog d'énergie? Ah bah non, sinon ensemble. Non, n'importe quoi, tant que je le trouve sur iTunes. Hein, Bon, moi c'est un truc un peu pointu. Vas-y. Ça va pas parler à grand monde, mais tant pis je me lance, c'est le Gambadou de Patrick Sébastien. Ah oh, putain, ouais. Je l'ai volé quoi. Malheureusement, iTunes c'est pas Gambadou possible. Ah, c'est un grand parce fou. Que The All American Reject m'avait choisi Queen, jusque là, génial. Ouais. Sauf qu'ils avaient choisi Mustapha de Queen. C'est quoi Mustapha? Oh bah mec, tu connais je m'appelle Mustapha, je suis né au Sahara. Non, c'est pas ça. Ah mais vous connaissez pas, mais je vais vous faire écouter. Ah, bah, attendez, bah, attends, il faut juste que je la trouve vite fait là. D'accord, bah très bien. Voilà. Alors attends, on reprend. Donc je peux choisir une chanson? Vas-y, je choisis Mustapha de Queen. Non, on l'a déjà mise. C'est dommage, hein. Sinon ça aurait été avec plaisir. Hein. Sinon les autres voulaient quoi? Moi je connais une chanson de Bézu très peu connue qui s'appelle Moi vouloir du couscous. Attendez, je me suis mal exprimé. Et sans déconner, n'importe quelle chanson sauf Blair. D'accord. Ah bah non. Voilà, j'en ai plus du coup. C'est ce détail que j'avais omis. Moi, je suis une fille, donc c'est Lady Gaga. Mais on l'entend déjà tout le temps, tant qu'à faire. Non, les versions acoustiques, tu les trouves pas partout. Vous trouvez pas que Lady Gaga, à certains moments, ressemble à Miko et moi quand on faisait des sketchs dans la méthode Cohen et qu'on mettait des perruques? Non, mais sérieusement. C'est vrai, il y a de ça. Moi, je l'aime bien, Lady Gaga, mais c'est vrai, putain, on dirait Jeff quand il faisait le gros dancer. Non mais c'est vrai, sérieusement. Mais vous avez toujours pas choisi, hein. Non, mais en tout cas, si tu veux écouter Lady Gaga en acoustique, elle est passée dans le 6-9 et si tu vas sur leur site, tu pourras la voir. Oh là là, Josiane, ça c'est l'esprit énergie. Oh, Josiane Corporate, c'est vachement bien. Si je puis me permettre, c'est que les nanas qui assurent ce soir au niveau de du retour et de la merci. C'est vrai. Et bah peut-être qu'on devrait confier l'émission à des nanas. On verrait si on se marre autant. Parce que c'est pas vous qui allez faire des vannes de cul et des vannes misogynes. C'est ça, c'est encore pour nous. Ni vous mettre à poil. Voilà. Oh merde. Ce serait assez con d'ailleurs. Non, mais à un moment faut gueuler quoi. Donc écoutez, c'était ça. Je l'ai trouvé là. Vas-y. C'est particulier, hein. Oui, moi. On voit pas Im Queen chanter comme ça. Je sais pas, ça sent la connerie ou pas. C'est un vrai truc. Non, c'est vrai. Hein. Okay. Marche pas bien. Hein. Alors ça, c'est parce que Windows Media Player, t'as pas configuré le flash. Tu veux que je le fasse ou pas? Ça marche pas bien du tout. Ah voilà, Docteur Norton. Voilà. Bon, le son est pas terrible, ça vient de YouTube. Hein. Je mets plus loin, hein, parce que. Ouais. C'est quoi ce truc? Mais c'est vraiment Queen ou c'est... Non, c'est... Non, vraiment, promis. C'est sur un album. Il sort d'où ce titre? C'est sorti en 78. Écoute. Allez, stop. Attends, bon, paix à son âme. Là, vous avez un gros truc, là. Paix à son âme, tout ça, mais voilà. Attends, et c'est rentré sur Énergie en... Non, une fois par heure. On l'avait mis un soir à minuit 20. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, choisissez... Bon, si vous choisissez pas, je choisis pour vous. Vas-y, choisis. Non, laisse-moi choisir. Attends, tu veux choisir? Bah moi ce sera rock, hein, mais après vous faites comme vous. Ça sera rock. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien le rock nous aussi. Toi t'aimes bien Prince? Ah ouais, moi j'aime bien Prince. Vous avez un Prince ou pas? Oui, bah il suffit d'aller chercher. Hein. C'est vrai. Erotic City de Prince. Non mais un truc connu. Si possible. Elle est coquine, on va se rouler des galoches. Non. Tu me regardes. Non, un kiss. Un vieux kiss, un bon vieux kiss de. Ah bah, très bien. Voilà. Eh bah parfait. Voilà. Bah c'est à toi. Eh bah écoute, je vais mettre. Et puis je le mettrai, y a pas de problème. Télécharger maintenant. Bon, oui. C'est pas grave, ouais. Et puis dernière chose, on a Polo du Polo Show qui est là-bas derrière. Salut, voilà. Polo Show. Il a une émission juste après la mienne qui dure 2 minutes. Ouais. Ah ouais. C'est juste pour lui faire plaisir. Ouais. Et tous les invités, toutes les stars qui passent dans l'émission viennent chez Polo. Non, pas du tout. Ah, font un liner pour le Polo Show. D'accord. Alors le concept très important, c'est que ça se dit popopopopo Polo Show. C'est important. D'accord. Voilà. Popopopopo. C'est une émission qui ne ressemble à rien, qui n'a aucun intérêt, donc n'hésitez pas à le dire dans le jingle si vous voulez. Et on a, je crois qu'on a un sample. Oui, bien sûr, on a un exemple. Hey yo, ici c'est pas Flarage, rendez-vous tous les soirs sur Énergie, c'est pour le popopopopopo show. Toi-même tu sais, peace. Voilà. Mais tu fais la collecte en fait. Je les réécoute chez toi. Exactement, dans son iPhone, il est cool et tout. Ok, donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Faut faire les sons avec et tout. Ouais, ça on fera après. Hein. Ok, 3-4. Eh gros, c'est punition collective. Ouais. Dédicace pour le pop. Punition collective. On a saturé à fond, mais c'était fait exprès. Hein. Ouais. D'accord. C'était voulu. Bon, bah très bien. Bah, vous allez la refaire proprement en haut. Bon, d'accord. Bon, bah merci les gars d'être. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci à Karim également. Bon, bah bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Ça va bien. Merci d'avoir été les premiers à nous recevoir. Eh, ouais, on est premiers surtout. Mais ça, c'est la merde, non. Ah merde. C'est le détail. Le rap rigolo. Les premiers sur le rap rigolo. C'est vrai. Mais il y a la grippe. Bien, c'est bien. Ouais, mais il y a la grippe là-bas. Ah sérieux? Non, RTL je parle. Ah oui, toi carrément tu t'alignais sur RTL quoi. C'est ça voilà. Mickaël, le podcast. Et l'expression du jour n'est autre que... Alors d'abord, qui va la faire? Au hasard? Au hasard. Roux. D'accord. Comme le hasard fait bien les choses. Mais ça t'es une vache, c'était top là, faut passer. Voilà, chacun son tour. Ah ben non, c'était vous deux là, faut passer. Ouais. Mais... Non. Ah non, rien à voir. Non. Bah non, c'était juste... C'était juste Toff, la fois dernière, donc là, effectivement, ouais. Ce sera Roux. Ouais. Et l'expression du jour est avoir un coup de pompe. Et ça tombe super bien parce que j'ai prévu les bonnes pompes pour l'euro. Ah oui, c'est vrai, en plus de la vraie pompe. Moi aussi je suis équipé hein. Vas-y, donne la tienne. Non, mais attends, elle a des hautes, des chaussures hautes à talons. C'est quoi la règle? La règle c'est de avoir un coup de pompe. Ouais. Tu vas prendre un coup de pompe. Non mais tu prends la chaussure et tu me tapes avec ou tu me donnes un coup de pied? Ce qui n'est pas pareil. On peut la lancer aussi. Non, tant qu'à faire, autant me donner un coup de pompe et ne pas un jet de pompe. Un jet de pompe, ce n'est plus la même expression. Un coup de pompe, ça peut faire très mal. Personnellement, j'ai fait du handball, moi, donc il y a pas de souci, hein. Non, mais je sais pas avec quoi. Vous... Non, mais pas tes pompes, toi, pas tes pompes. Non. Prends celle de Sandro, prends celle de Sandro. Personne a des tongs. Attends, Mike, comment ça, c'est pas lui qui choisit en même temps. Non, mais c'est vrai, c'est sur toi, le Sandro du jour. Pire. Oui, la semaine prochaine, ce sera sur Sandro. Ouais, la semaine prochaine, ce sera avec toi, l'expression. Oui, bah, je choisirai l'expression du jour de la semaine prochaine. Bon, en parlant qu'il se bataille, Michel est revenu. Michel, t'as l'information ? Quelle information ? Ah, bah, bien sûr. Hein. Ils veulent quoi ? Il est juste parti promener, Michel. Ils veulent Prince ou Kiss ? Kiss de Chris Brown. Non, c'est Prince et le morceau Kiss. D'accord, c'est ce que j'avais dit, Roux. Ouais, c'est ça. T'es d'une mauvaise foi. Exactement. C'est quand même incroyable. Regarde, Roux, elle est toute prête, elle n'attend que toi. Ouais, regarde cette belle semelle. Qu'est-ce qu'il y a Non, j'avais vu Émile comme prénom pour la marque. Et j'ai très peur. Non, c'est écrit English Style, un truc qui me correspond bien. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Ouais. Bon, allez, vas-y. Attends, on fera le chéri, je t'ai fait cocu juste derrière. Sur les fesses hein. Bah oui, je choisis l'endroit quand même. D'accord, bon alors t'es sûr que tu veux pas dans ta gueule ? Déjà que je suis pas. Si, bah si, t'as, vas-y, mets pas dans la gueule. J'aimerais bien, tu sais, juste avoir la marque bien rouge sur ta gueule. Bon, allez, vas-y, frappe. Eh. Oh, eh, vas-y. Malade. Bah attends, mais t'as vu l'élan qu'il a pris ? Bah oui, mais bon, c'est tough, il va pas frapper très fort. Hein. Ouais, mais doucement. Non, attends. Mais arrête. Il se plaint tough quand il le fait. Hein. T'inquiète pas, Roux, je ferai doucement. Ouais. Oh là là, je vais hurler. Mais non. But, hein. Je suis douillet, donc. Tu veux qu'on le fasse à deux ? Non, ça va. C'est quoi, Roux ? Un sur chaque fesse. Ferme les yeux. Ouais, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Ouais, c'est mieux parce que comme ça j'ai mal une fois. D'accord. Allez, ferme les yeux, Roux. Non, je peux pas faire. Ah, en même temps, tu veux faire un ? Ah ouais. J'ai moins mal. Du coup, je suis obligé de taper avec le talon, hein, ça fera plus mal. Non, arrête tes conneries, tu tapes. Non, mais je vais frapper moi d'un côté. Attends. C'est quoi les pointures là, 40 ? Je vais enlever ma chaussure. Voilà. Je crois que c'est 42 des deux côtés. Ouais, 42 aussi, ouais. Double 42. Ouais. Attends, mais moi ça va, c'est des baskets, ça fait moins mal. Non, ça claque bien. Les tiennes, elles claquent. Fais des culottés, Roux, c'est plus marrant. Ouais, c'est drôle. Allez, on y va. Non, attention. Putain, attends. J'ai trop peur. Arrête, Roux, ça va. Roux, ça va, fais pas ta chochotte là. Vas-y, bouge pas, Roux. Vas-y. Enlève ta main. Bon, on y va, attends. Faut qu'on vise. Non, mais t'as visé. Mais arrête de bouger. Bah, arrête de bouger, je vais me faire. Arrête de bouger. Attends, je vais. Roux, tu sais quoi, tiens-toi. Non, mais. On y va, car. Non. Si c'est pour mettre plus d'un coup, je vous tape après. Mais non. Il n'y en a qu'un seul. Non, faites. Roux. Allez, à 4. Plus tu perds de temps, plus le stress a le temps de monter. À 4. Tu vas avoir mal à ta main. On y va à 4. 1. Attends, une question. Normalement, il faut contracter pour avoir pas mal. Oui. Non, c'est pas vrai ça. Si. Les joueurs de foot, quand ils ont le muscle contracté. Oh là là. Enculé. Oh là là. T'as abîmé ma chaussure ou ? Hein ? T'as abîmé ma chaussure ? T'as l'air fatigué, on dirait que t'as un coup de pompe. On dirait qu'il se met un doigt dans le trou de balle. Ah, ça fait mal. Non, mais je propose qu'on le fasse maintenant à d'autres personnes de l'équipe. Ça y est, c'est bon, on a perdu cette tête comme ça. Ça va. Hein. Ouais, c'était pas terrible. Allez, chérie, je t'ai fait cocu maintenant avec Ludivine. Ah, laisse-moi en mettre un. Allez, à Toff alors. Allez. Pourquoi moi ? Ah bah c'est au pif. Non, à Micha. Ah oui, Micha, je suis d'accord. J'ai pas de cul. Je suis d'accord. Hop, allez, Micha. Micha, c'est vrai qu'il va avoir mal, il a pas de fesses. Allonge-toi donc là. Pose tes fesses. Allez, vas-y. Hey. Hey, prends des normes. Ah, oh là là. C'est toi qui t'es mis en position. C'est pas la drôle, puissance hein, de prendre des trucs sur le cul là. Attends mais Micha, t'es en position de réception là. Ouais c'est ça ouais. Bah c'est vrai. Vas-y, à toi, maintenant. Ah non bah non là on a le chéri. Bon allez Micha, retournez à votre standard. Et Micha, au standard, on vous paye pas à prendre des chaussures dans le cul. C'est incroyable. Non mais sans déconner. Bah oui mon favori, écoutez. Oui j'ai rien foutu depuis 21h là. Bon ok, ça c'est sûr. J'ai rien branlé là ça. Mickaël, le podcast. Bon, Ludivine qui est là, 18 ans de Denain. Salut Ludivine. Allô Ludivine. Oui. Ah Ludivine. Ça fait un adulte. 18 ans de Denain. Ouais. Denain, ça fait c'est drôle ça. Eh ben, je suis content de t'avoir mis les deux coups là. C'est bien. Bon, du coup t'as un petit crédit de vanne de merde. Oui, bah oui, j'ai vu ça. Hein. Très rapide. Bon alors Ludivine, on va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu. Ouais. Comment s'appelle ton mec ou ta meuf ? Ton Maxime. Mec. Il s'appelle Maxime, très bien. Quelle va être l'histoire ? Bon bah là je suis à une fête. Mm-hmm. Ça s'entend pas vraiment hein. Attends, Jack va mettre la fête. Jack, ouais. La fête, s'il te plaît. Ouais, il faut. Hein. Ah, parce ouais, que je suis dans ma chambre qui est toute seule. Non, on a commandé la fête, mais il faut qu'elle arrive. Hein. Ouais, elle arrive. C'est pour nos postes qui livrent, donc c'est elle même un peu plus de temps à arriver. Ouais, bah c'est un film d'horreur. Hein. c'est bien. C'est une fête qui tourne mal. C'est la fête du pauvre. Tu vois, tout le monde crie, à tout le monde a peur. Non, c'est en fait, c'est quand il y a le gros blanc du DJ que tout le monde va se faire rembourser. C'est ça. Bon, Ludivine, donc quelle va être l'histoire? Donc t'es à une fête, tout ça. Ouais. Puis il y a le frère de ma copine dont je suis assez proche, que je revois là depuis 3 ans. D'accord. Ah, que tu revois depuis 3 ans, oui. Ouais. Puis bon, bah, donc tu as plus vu depuis 3 ans et que tu viens de revoir. Ouais, voilà. D'accord. Puis en fait, il est vachement collant et ça, il le sait, mais il l'a jamais vu. D'accord. Ouais. Et comment il s'appelle le frère de ta copine? Bah, Mickaël. Ah, il s'appelle Mickaël. Oh, c'est bien, moi c'est facile pour le prénom. Oh non, mais ça va être une galère après quand je vais dire bon, c'est Mickaël. Ouais, c'est ça. Ça va être pratique, ça tient. Bon, d'accord, ok, il s'appelle Mickaël et c'est ton mec? Non, Mickaël, c'est le copain, c'est le frère de sa copine. Ouais, voilà. C'est le frère de sa meilleure amie. De sa meilleure amie. Et ton copain, il le connaît pas? Si, bah, il en a déjà entendu parler. Bah, il l'a pas vu, il a pas parlé, mais. Bah, ils se connaissent de nom, quoi. Il sait que c'est un pot de colle vis-à-vis de toi. Ouais, il sait. D'accord. Ça. Bon, très bien. Écoute, on fait ça dans un instant, Ludivine. Ne bouge pas le temps qu'on trouve la fête. Hein. Ok. C'est bon, bonjour. D'accord. Enfin, bof. Ouais. Ah, c'est une fête dans un. Ça fait plus réception. Ouais, ça change. Short Dick. Oh putain, ça c'est une soirée où personne n'a voulu aller. Ça c'était 20 Fingers avec Short Dick Man. C'était une chanson que Toff adorait d'ailleurs. Ah, ça m'étonne pas. Ça leur présentait. On appelle donc ton mec pour le rendre un peu taré. Ouais. Et puis bah au plus il s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec des cadeaux. Ok. D'accord. On va y aller. Ça marche. Allez, ambiance club discothèque. Bien sûr. Alors on est dedans. Ah c'est la vieille discothèque. Hein. Mais de toute façon on a que des vieux disques de dance. C'est la campagne. Ouais, c'est vrai, c'était fait exprès le choix du disque. Ah ouais. Darude, fil de beat. Oh, c'était violent ça. Hein. Bon allez, on y va, Ludivine, on l'appelle, Maxime, moi c'est Mickaël. On n'est pas en discothèque les mecs. En vrai et en faux, elle a une soirée. Ouais. Elle a une soirée. Bon, sans merde le roux, ouais, il y a décidé que ça le fait des chiers. Bon, okay, bah oui, mais il faut non, bien mais non, mais l'ambiance. Si le scénario et le scénario, t'as le pas scénario la queue rester. Ça fait bien soirée ça. Non, c'est juste que tu vas faire genre, t'es obligé d'hurler pour en l'entendre. Bah ouais. Ouais, voilà. Ça va? Ouais, ça va être fatigant. Hein. Ouais. Fais genre t'es à l'extérieur de la soirée. Ouais, on est sur la terrasse. Ouf. Ok, d'accord, ouais, ça va. Non, mais laisse un peu de musique en fond. Allez. Voilà. Ça fait terrasse. Ouais, allô. Allô, Loulou. Oui. Oh putain, ça fait petite chance. Déjà. Ouais, c'est pas grave. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est bon. Je t'appelle avec le portable de Marine. D'accord. Ma carte SIM, elle déconne, comme je sais pas trop quoi, est-ce tombée. Ok. J'hallucine, bah Val, il est en train de dégueuler dans les chiottes là. Qui? Val? Pourquoi? Bah je sais pas, il y a du trop fumé. Hein. Bah finalement ouais, c'est une fête quoi, bon c'est pas tous les jours. Hein. D'accord. J'hallucine, Mickaël il a une 308. C'est fait? Ouais, c'est t'as vu, c'est bien hein. Ah bah c'est cool. Ouais. Une Peugeot. Bah tu sais ça faisait longtemps que j'ai pas vu Mickaël. Hein. Mmh. Ça aurait pu être pire. Hein. Bah c'est bien finalement, ça va super bien. Hein. Ah ils m'ont fait une Peugeot. Ouais, il n'y a pas de gros entrepreneur. Putain une BM ou bah, je sais pas un moi. Peu, si, Bah Loulou t'énerve pas mais. Enfin comment je vais dire ça. Ah les violents tout le monde. Bah t'es chiant toi aussi, attends. Dis lui avant que t'es chiant. Bah, faut toujours l'accuser d'abord. Tu vois, on entend la fête dans le salon, à côté il y a des chambres. Non parce qu'on bah, je veux ranger. Quelque hein. Chose. Quoi? Elle lui dit. Bah je vais battre un dessin, merde. Elle essaie de faire deviner comme une surprise. Bah tu te dis quoi merde, tu fais chier. Bah, tu me dis ce qui s'est passé. Bah je vais battre un dessin, c'est trop mal ce qui s'est passé, attends j'étais avec lui avant, il est pot de colle, bah. Et ben il m'a collé. Bah hein, il s'est passé. C'est passé que j'ai couché avec lui. Hein? Bah ouais. Quoi? Bah attends, t'es bien, toi t'es jamais là, tu passes tes journées avec Philou et tout, moi je rentre le soir, j'ai à peine une conversation avec toi, t'es bien hein? Alors là il en profite pour le cartonner, bah, il fait non, passer des messages. Pas ta gueule. C'est te dis comment, je vais pas chialer et tout. Tu te fous de ma gueule. Bah non, je me fous pas de ta gueule. T'es sérieuse là? Bah non. Y'en a l'air, ouais. Hein? Bah ben, ouais. T'es pas la Ludivine. T'es pas la Ludivine sérieuse là. Ah ouais, pas tu crois. La Ludivine sérieuse. Ferme la porte. Attends, deux secondes. Tu parles à qui là? À Marine. Moi, c'est passé quoi? Bah. Oh, Lulu, t'arrives ou quoi là? Tu vas rater toute la soirée arrête, là. Je suis au téléphone. Tu vas pas rester là comme ça toute la soirée dehors, hein? Bah ouais, mais je dis que je l'appelais, attends. Ah ouais, mais enfin bon. Non, c'est bon, attends. En plus, là, attends, on est sur le côté. On est en rétro dance là. Tais-toi. C'est quoi, Lulu? Quoi? Bah, dis-moi, c'est passé quoi là? Bah. T'es chiant, toi. Tu veux que je te dis ça comment Avec des mots. Bon, bah, dis-lui avec des mots, on va pas y passer la nuit, hein. Bah, ouais, je lui dis, hein, c'est bon, il veut pas. Il veut pas comprendre aussi. Mais c'est ton mec? Bah ouais. Bah vas-y C'est ton mec quand même. Bon, oh, dis-lui que c'est déglingué et puis il a fait replier. Non, c'est bon. Non, il s'est passé quoi, dis-moi. Bah je t'ai dit, on est allé dans la chambre et je t'ai dit que c'était un gros pot de colle et... Et non, on va pas y arriver. Il a pété le fion, voilà. Tu veux qu'on te le dise comment? Et il n'était pas tout seul, si tu veux tout savoir. Non, Marine, attends. Bon, toi, faut vraiment qu'on parle, là. Bah ouais, je sais, je bourrais, attends. Et tu peux pas être seul 5 minutes, là? Ben... Bah si, mais attends, la musique, elle va fort et tout, je peux pas m'isoler plus, t'es bien, toi. Je sais pas, elle sort, va au shot quelque part, je sais pas, moi. Au shot? Mais je rappelle qu'il y a Valentin au shot, hein. Je sais, vrai. Non, mais sérieux, là, sérieux. T'as quoi? Fait quoi? T'as fait quoi? Bah... Il est allé plus loin que prévu, Ouais, mais on va pas aller plus loin. Nous, hein. on va pas aller plus loin, comme prévu. Bon. Maxime. Oui. Maxime, bon, on a été trop loin avec toi. C'était une tentative, c'est le premier échec de l'année. Il faut le voir, ça fait 3 semaines et demie qu'on a commencé. C'est normal qu'il y ait un petit échec comme ça de temps en temps. Remets le téléphone. Voilà, bon, Maxime. Ludivine, bon. Maxime. Ludivine est dedans encore. Ouais. Maxime, bon, t'étais en direct à la radio, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Non. Si, si. Oh, mais merde, pourquoi tu m'as pas laissé continuer? Ah, parce que c'était mauvais, je t'assure. Ah, c'était dur là, c'était dur pour nous. Il te croyait pas quoi. Non, mais tu réécouteras et ça démarrait pas là. En fait, ça fait 20 fois qu'il te demande, mais t'as fait quoi vraiment et t'es pas capable de lui dire. Voilà, il fallait y aller plus vite parce que. Plus loin, plus fort. Ouais. Mais c'est pas grave, hein, à part mais que t'as pas de cadeau. Ah oui, bah il faut pas faire le jeu alors. Bah si, mais comment la voir aussi Oh écoute, c'est pas grave, hein. Le principal c'est que vous vous aimez et que vous ferez des enfants. Ouais, voilà. Hein, c'est ça le principal. Ils sont cadeaux. Oui. Voilà. Ouais. Bon, je vous fais comme des gros bisous. Ouais, gros et bisous. Et vous restez au standard, d'accord? Ok, bisous. A bientôt. Ciao. Il y a un message de Fanny sur le chat qui dit le big échec même. Oui, bon, pas grave. Non, mais ça arrive. Franchement, on a eu pire, hein, soyez pas violent comme ça. Voilà, ce qui prouve d'ailleurs, contrairement à d'autres radios, que ce ne sont pas forcément des acteurs. Non. C'est vrai. Ou alors ils sont doués. Faites-vous passer pour des faux mauvais acteurs auditeurs. Ouais, hein. T'imagines les radios qui prennent les acteurs mais qui font jouer, donc ils les payent, qui font jouer les mauvais. Oui. Vous jouez les mauvais comme ça, ça sera pourri. Ça, on peut prouver aux gens que vous n'êtes pas des acteurs. Voilà, c'est ça. Ça va loin, ça partir hein. Loin, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est ça. Oh, écoute, ça arrive même au meilleur de faire un échec. Ça arrive. Moi, c'est ça. Non, regarde, toi, t'en fais jamais. Des échecs, bah si, je vais en faire un là. Ouais, c'est pas de ta faute ça, c'est la faute des auditeurs. Non, c'est la faute du roux. Ouais. Je pense qu'on peut le dire, c'est la faute du roux. Mickaël, le podcast. Je vous disais tout à l'heure là, je vous demandais si vous connaissiez X Factor. Bah ouais, le truc de. Ouais, c'est une espèce de la star. Ouais, c'est un truc. D'accord. Sandro. C'est pas dans cette émission qu'ils ont fait bouffer des couilles de mouton aux candidats? Ah, ça c'est Fear Factor. Non, c'est Fear Factor. Ah oui, ouais. Ah oui, donc je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Bah, X Factor, ça aurait pu être bien pour Tof, comme il y a X. Il a certainement cru que c'était un truc de cul. Mais j'y ai cru au début et tout. C'est pour ça que je suis allé voir sur internet ce que c'est. Genre Pop Idol, un truc comme ça. Ouais, bah en fait ça se passe chez en Angleterre en fait. Et en gros, c'est la nouvelle star, mais ouvert à tout le monde. Donc il n'y a pas de problème d'âge, de taille, de poids, de pays d'origine, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. En fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est chanter. Enfin, ah d'accord, donc c'est un... Je suis pas trop sûr, mais... Ah donc c'est Nouvelle Star, ou alors c'est Incroyable Talent, ouais. Ouais, mais c'est ouvert c'est à tous, boy, en fait. Là. Voilà, c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'il faille vraiment falloir chanter. Alors si c'est incroyable, c'est pas que le chant, forcément. C'est tout. Faut avoir un talent, ouais, en fait. Ouais, fou, voilà, ouais. Bah, de la danse, de l'accordéon... Non, X-Factor, c'est que le chant. C'est pardon que... Ah, c'est que le chant, ouais, d'accord. Bien. Bon, et donc, comme je le disais, il n'y a pas d'interdiction pour participer, même si t'es pas anglais. Du coup, Fouad, un Français de 24 ans, s'est dit « Je vais tenter ma chance ». Twitter C'est chaud. Ludwig, tu as tes chances. Ah le bâtard, il est mauvais. Ah, il est pas bon, hein. Non. On dirait Gad Elmaleh. Ouais, et grave. Ah, il est vraiment pas bon. Ouais. Hein. C'est quand même en cherchant. Putain, la honte, c'est un français en plus. Ouais. Ah, mais ah, il chantait du Mariah Carey à la base. J'allais dire qui a reconnu la chanson, mais effectivement, c'était Mariah Carey. Ah. Et d'ailleurs, Mariah Carey qui a du succès, puisque même en Corée. Ah mais c'est vrai. Non, c'est en haut. On a déjà eu. Quoi? Ouais, je chanteuse. Attention, le meilleur moment, souvenez-vous la saison dernière. Oh, c'était horrible. C'est toujours aussi horrible de l'entendre. Elle a du coffre, hein. Ah ouais, mais elle a pas de talent, hein. C'est-à-dire que là, il y a un moment où on pouvait pas tout faire. Donc voilà, donc comme ça on pourrait dire. Si ce son était bon à votre avis, il était bon ou pas le son, Sandro? Non, c'était... non pas celui-là, attention, celui qu'on vient d'entendre par Fouad, donc hein, c'est ça, attention. C'était bon ou pas? Mais bien sûr que c'était bon, je viens de ton dire. Ton avis personnel. Mais tu mettrais ça dans ta voiture, dans ta smart? Ah ouais, carrément. Ah non, sérieux, elle ouais. Mettra à donf. Elle a du mal à entendre. Remets-le un peu, Jack, pour voir, parce que je pense qu'elle a du mal à entendre. Tu mettrais ça dans la voiture? Ah ouais, direct. Non, mais c'est pour personne, par contre, avec elle. Je mets ça en hiver, parce que l'été, je baisse pas les fenêtres. En fait, c'est l'antivol de Sandro. Elle laisse ça dans son autoradio à donf, comme ça, elle est sûre qu'il y a personne qui voilà. Prend la voiture. Là, mais moi, j'adore la merde. Bon, hein, oui, on voit ça. Ouais. Et donc, on pourrait se dire, bon, justement, c'est bon, c'est pas évident, c'est on a cap. Donc, prenons une version où il y a de la musique en dessous. Voilà. Ah, ça, c'est bon. C'est un drame. C'est tout le monde se fout de sa gueule. Ah, c'est Hero. Oui, c'est Hero. Avec l'instru, j'ai pas reconnu. Je vais attendre quand ça monte. Normalement, voilà, à un moment donné, ça arrive, ça arrive. Elle dit there's a hero. Ouais, ça arrive là. Et tu sens même le public, il est saoulé, il chante pour lui montrer comment c'est. Il doit avoir une gueule lui aussi en plus. Je vais mettre la vidéo sur mon blog. Quelle horreur. Mais ce qui est bien, c'est que il y va. Il y croit. On sent qu'il y a quelque chose. Quoi. Il est gonflé par le public qui chante avec lui. Il dit c'est bon, je vais gagner. C'est ça, c'est exactement ça. Mais vraiment, on pourrait croire qu'il essaye d'imiter notre coréenne. Hein. Je le remets parce que ça m'a fait plaisir. On a plus la chinoise ou la... Oh là, La copine, quoi. Ouais, sa copine. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait 84 000 sons exactement. C'est ça. Attends, je laisse d'abord la fin, là. Ah, il faut laisser pisser le mouton. Ah, je peux pas chercher entre-temps. Ah, bah. Non, si, parce que franchement, ça valait quand même la peine. Hein. Ça vaut la peine que je cherche juste... Je vais taper chinois et j'ai plus. Il va te sortir. Mais c'est un canard c'était, laqué, le truc. C'était coréen que tu devais. Non, coréen, celui que je viens de mettre. Ah. Attends, peut-être. C'est peut-être un autre coréen. Non, alors ça, mais c'est une machine de merde parce que je tape coréen, ça marche pas. Alors je viens de le jouer. Donc on n'est pas à l'abri. Essaye coréen ouais, avec non, un K. Mais... Non, c'est. c'est lui qui est mauvais. J'aimerais savoir qui a rentré. Ah, ça y est. Je l'avais oublié. Ah, c'est ma préférée celle-là. Je l'avais oublié, putain. Oh, alors, c'est horrible. Allez. Wow. Et ça, c'était la nouvelle star, donc, en Chine. Oui, ouais. En Chine ou bah, je sais pas où, mais enfin là-bas. L'année enfin, dernière. C'était un télécrochet, quoi. Ouais, un télécrochet, ouais. Bon, enfin bon, ce n'est pas fini. J'en ai pas fini avec Fouad parce que donc W9 va aussi faire X Factor en France à partir du 29 septembre, mais avec les moyens de la TNT, hein, forcément, puisque à la place de Dani Minogue, donc la sœur de Kylie Minogue, dans le jury français, on aura Julie Zenati, Céron et Alain Lanty, le tout présenté par Alexandre Devoise. D'accord. Qui est Alain Lanty? C'est un monsieur qui écrit des chansons, mais qui est pas très connu. Un parolier, ouais. Ouais. Voilà, un parolier, exactement. Ouais, Julie Zenati, c'est la meuf qui jouait... elle a fait une comédie. Elle est chanteuse, quoi. Ah, elle est connue. Ouais. Ouais, enfin, ça, ouais. Ça vaut pas Dani Minogue. Hein. Céron, c'est quand même la classe. Ouais. D'accord, mais en face, on avait Marianne James. Hein. en France. Ouais, sur la Nouvelle Star. Ouais, sur ouais, ouais. En ouais, juillet, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin bon, là, sur le coup, c'est sur W9, ce sera X Factor, donc voilà le jury, quoi. Sinon, quel rapport avec Fouad? Eh ben, c'est qu'il est revenu de Londres, donc, hein, forcément, hein, ça ne lui a pas servi de leçon, il y croit toujours et il s'est inscrit. J'ai des X Factor, des petits trucs, des petites personnalités, des petits styles. Voilà, c'est comme Cindy Sanders, quoi, il lâche pas l'affaire. Il a son petit style, tout ça, etc. Hein, donc forcément, il lâche pas l'affaire. La première fois, il s'est planté sur du Maria Carré. Voilà, et bien il remet ça. Français. Non, c'est pas une langue, en haut. Ah, je sais même pas laquelle c'est. En fait, il aspire toutes les lettres. Ouais. C'est un peu ça. Bon, enfin, bon, pour défendre un peu Fouad, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui auraient pu rester chez eux, notamment cette candidate-là. Hein. Laissez-moi me défendre. Ça ne reviendra pas, meuf. Hein. On va pas la secourir là. Hein. Mais c'est dur parce que c'est Starmania et cette chanson-là, c'est une voix aiguë. Mais le fais pas, alors. Ouais, c'est vrai. Là, c'est le tympan qui éclate. Ouais, là pour la peine, ouais. Vas-y, essaye un peu, Roux. J'ai non. La tête qui éclate. Oui, mais ouais, voilà, je peux pas faire avec une voix aiguë. J'ai la tête qui éclate. Non, on a essayé. Top, vas-y. Non, je peux pas. Allez, si, toi, si, tu peux. Si, le chanteur. J'ai la tête qui éclate. Pardon. Ah, mais par contre, il était dans les temps, c'est exceptionnel. Hein. Je me suis étouffé. Bah ça, c'est la chemise violette. Ah oui, c'est pour ça. Et les chaussures. Et les chaussures noires. C'est l'ensemble en fait qui fait que ça n'a pas été terrible. Bon, donc voilà, c'est tout pour les casseroles d'X Factor. Hein, mais ne vous inquiétez pas. C'est déjà pas mal. Hein. On aura certainement rapidement d'autres dossiers à vous faire écouter. Hein. Alors ça commence quand Le 29 septembre. 29 septembre, nous serons derrière WF. Et genre, c'est le même principe que la Nouvelle Star, c'est toutes les semaines, ça revient. Je crois bien. Ça, je sais pas si ça va être. Il y en a pas qu'une de toute façon. Je sais pas si ça va être aussi régulier, mais oui, ça va être. Récurrent. Ça va être récurrent. Ouais. A priori, c'est le gros programme de W9. Hein, ils ont mis tout le budget là-dedans. Ah bon? Ouais. Ça coûte cher un plateau comme ça. Ouais, c'est pour ça. Non, parce qu'en plus, il fallait racheter les droits. Il fallait. Ouais. Ça, déjà rien que racheter les droits, si eux. W9. Hein, bah, ça coûte déjà un bras. Hein. Putain, ça veut dire qu'ils vont mettre Tarzan tout le reste de la semaine. Non, Energy 12 est exclu là-dessus. Il voulait pas qu'on pique Tarzan. Et Robocop. Aussi d'ailleurs. Michael, le podcast. Bon, on va passer directement au Mac du jour, là, 23h01. Il est temps d'y aller. Bienvenue donc dans le Mac du jour, de l'actu condensée à notre sauce. On perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. Et Grippa, avec plus de 300 000 cas recensés dans le monde, la pandémie prend de plus en plus d'ampleur. Quasiment tous les pays sont désormais touchés par le virus. Et je crois d'ailleurs que seul l'Afghanistan est épargné. Ouais, mais c'est normal. S'ils n'ont pas la Grippa, c'est grâce à la burqa. Ah. Ouais. Bon, immigration maintenant, le premier visa long séjour a été délivré hier par Éric Besson, ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Le principe est simple, avec ce visa, un étranger peut rester plus longtemps en France, je n'ai pas fait d'erreur dans ce que je viens de dire, et je ne ferai pas d'erreur dans ce qui va suivre, à condition de ne pas travailler. Ah bah bonne idée, l'immigration choisie maintenant, ils recrutent des chômeurs à l'étranger. Allez, aviation et politique pour terminer. Mardi à Poitiers, un avion de tourisme a lâché des tracts injurieux à l'encontre de Ségolène Royal. Le document lui reprochait notamment de faire une politique de chiottes. Bah alors... Oui. Il faut qu'elle se méfie, hein, Ségolène, à force de faire une politique de chiottes. Il y en a bien un qui va finir partir à la chasse. Allez, on parle un peu de télé, là. Ce soir a été diffusé sur TF1 le premier épisode de la saison 4 de Section de Recherche avec, en star international, Jean-Pascal Lacoste, plus connu sous son nom de scène, Jean-Pascal de la Starac. Et il est en ligne avec nous. Allô, JP, comment ça se passe, alors? Ben, depuis que je suis dans la série, j'ai plus le droit de dire des gros mots, par exemple. Ah, et donc? Donc je ferme ma gueule. Ah, bon, bah, très bien. Et sinon, Jean-Pascal, on sent que t'as franchi un palier depuis la Starac, hein, notamment dans Section de Recherche. Comment ça se fait? Bah, avant, dans la série, je galérais, je restais tout le temps dans les bureaux à Bordeaux. Maintenant, je sors, je vais sur des missions, j'ai des responsabilités. Hein. Ah, bah c'est bien ça. Alors, c'était quoi ta dernière mission là dans Section de Recherche? Bah, on m'a envoyé à Auxerre pour encadrer le déménagement d'une prison là-bas. D'accord. Ça s'est bien passé, hein. Ouais, il manquait juste un carton. Ouais, franchement, ça va, un carton, c'est pas grand chose. Hein. Ouais, enfin, ça dépend ce qu'il y a dedans. Hein. Bon. Et sinon, ta prochaine mission dans Section de Recherche, Jean-Pascal? Bon, alors là, on est sur un coup. Un tueur, Jean-Paul Trébert, je crois, quelque chose comme ça. Il se serait évadé d'une prison à Auxerre. C'est bizarre les coïncidences. Hein. Ah oui, bah effectivement. Ouais. Bon, alors vous êtes sur la piste du meurtrier de Géraldine Giraud et Katia Lhervier ? Ouais, apparemment. Et apparemment, il se serait caché dans un carton pour s'enfuir, le mec. Oh putain, le con qu'il a laissé filer, je te jure. Mais bon, à part ça, on n'a pas trop de pistes. Hein. Je sens qu'on va bien galérer là. Hein. Ah ok, bah ok Jean-Pascal. Bon, on te remercie beaucoup, bah, repasse quand tu veux JP. Hein. Ouais, on verra si j'ai le temps, hein, parce qu'après, avec les copains de section de recherche, on doit trouver un autre tueur. Grippa, il s'appelle. Ah, oui. Apparemment, il a tué trop de gens. Hein. Franchement, ce Grippa, j'espère qu'on va l'attraper. Hein. Oui, oui, oui. Bon, mais merci beaucoup Jean-Pascal. Hein. On rappelle donc que c'était la première de la saison 4 de section de recherche sur TF1 avec Jean-Pascal Lacoste. Voilà. Allez, on passe à autre chose ou pas. Direction le con du jour et notre con est une conne. C'est bien ça, Sandro ? Oui, c'est pas cool pour Sandro, hein, franchement. Non, c'est pas moi. Bon, cela dit, allez, on y va. Alors, notre conne du jour, elle est suisse en fait et elle a des problèmes de teinture. Oui, un peu comme beaucoup de femmes. Voilà, j'arrive pas à voir le lien, c'est... Mais bon, si tu me laisses terminer, on va comprendre. Donc l'histoire se passe en Suisse. Oui. Il y a notre conne du jour qui a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et a payé des dommages et intérêts de 27 000 euros à une de ses collègues. Et elle lui a volé sa teinture, que de la teinture. Non, en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Donc notre conne est dans un bar, elle discute avec une de ses collègues, elle s'embrouille, elle s'insulte, la conne prend la cigarette de sa collègue et la jette par terre. Et ça fait cher quand même pour avoir jeté une cigarette. 27 000 euros. Ouais. Oui, sauf que c'est pas pour ça en fait. Donc elle continue à s'embrouiller, mais grave, un truc de malade, elle s'insulte et tout. Il y a notre conne qui jette un verre de cognac dans le visage de sa collègue, ah, carrément. Là, ça devient intéressant, elle l'a tué. Non, non, elle lui a crevé l'œil gauche avec le verre. Hein. Oh, la pute, c'est violent quand même. Sympa. Ouais, en fait, elle voulait juste lui jeter le cognac, pas le verre. Hein. Putain, moi je l'aurais tué quoi. Ah, moi je l'aurais juste baisé. Hein. Mais c'est pas une pute, hein, c'est juste une conne, c'est la conne du jour. Et en fait, le plus drôle, enfin même si c'est un peu grave quand même l'histoire, c'est qu'elles se sont embrouillées parce que la collègue avait dit à notre conne que c'était une fausse blonde. Ah, c'est pas une conne, ça, c'est une super conne. Elle pourrait être la conne de l'année là. Elle pourrait, ouais. Elle pourrait, effectivement. Allez, on passe au sport et au football. Après leur match nul contre la Serbie, les Bleus sont à la une. Je voulais dire en une, à la une, du coup forcément c'est parti en couille. Donc sont à la une de tous les quotidiens du jour. Hein, le Parisien aujourd'hui en France, par exemple, titrait ce matin « Il méritait bien mieux ». Bah, c'est pas faux, hein, les joueurs méritaient effectivement bien mieux que Domenech. Oh non, on va pas recommencer sur lui le pauvre. Allez, tennis, c'est l'US Open. Maintenant, Joe, Wilfried Tsonga et Gaël Monfils ont tous les deux été éliminés du tournoi en 8ème de finale. Deux échecs que personne n'explique. Si, moi j'ai une explication. En fait, une heure avant le match, ils auraient reçu un coup de fil plein de bons conseils. C'était Raymond Domenech. C'est facile. Bon allez, cette édition du Mag, touche à sa fin. Ça n'a rien à voir avec Apple. Hein. Terminons en beauté avec la question du jour. Très bien. Qui a dit moi j'étais émerveillé? Ah, je sais. Evangeli. Ouais, qui? Evangeli, non. Quelqu'un qui a vu la chemise de Toff. Moi j'étais émerveillé. c'est Karima tout à l'heure. Alice. Au Pays des Merveilles. Alice 2. Du Pays des Merveilles. Ouais, non. Laisse-moi non. Tranquille. Non, non. C'était Raymond Domenech au sujet du pauvre match nul hier soir. Ah, oui, c'est vrai, oui, en plus on l'a dit. Il se contente de pas beaucoup, hein. Ah, oui, bah, il s'émerveille vite quand même. Mais ce c'est marrant, c'était lui déjà à la Coupe du Monde en 98, non? Non, non, c'était Aimé Jacquet. Ah merde, Jacquet. Il était là à la Coupe du Monde après. Coupe du Monde. Donc là où il y a le coup de boule. Il était là. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même bien joué pour arriver en finale, les Français. Ah oui, non mais... Donc alors, je comprends pas comment est-ce qu'il peut être émerveillé avec le torchon qu'ils ont fait hier. Bah faut savoir se vendre aussi, hein. Ouais, enfin, oui, bon, c'est ça, c'est la C'est-à-dire que le mec, il assiste son équipe qu'il a emmené en finale de la Coupe du Monde et il est émerveillé parce qu'ils arrivent à sauver des meubles. Bah il a peut-être pas suivi le même match, il y a pas eu un 7-0 ce soir-là. Ah si, à mon avis, je crois qu'il s'est pris pour Israël. C'est vrai, c'est le aussi. Il parlait de ça, hein, ça se trouve. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, va savoir. Ouais, les journalistes, les bâtards ici, ils ont coupé les images et tout. En fait, on assiste à la descente de Domenech par les médias. Ouais. Allez, c'en est maintenant terminé de ce mag du jour. Un autre mag du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Bon, les mecs, j'ai une bonne nouvelle quand même. Il faut quand même de temps en temps aussi donner des bonnes nouvelles. Ah, Domenech bonne nouvelle parti. qui est tombée. Non, je parlais d'une bonne nouvelle, pas d'une utopie. Bon, ça dit, c'est une bonne nouvelle, surtout pour Énergie. Oula, Nico, ça a décidé de poser nu pour faire de la pub pour la radio. Non. Disons que Énergie a de bonnes chances de repasser devant RTL et très très vite. Et comment ça? Comment ça? Bah figurez-vous que la grippe A, je le disais tout à l'heure, est arrivée dans les locaux de la radio RTL, donc ça y est, c'est fait. Reste plus qu'à espérer que les climatisations fassent leur travail, hein, et que les mousses des micros là soient pas changées de manière régulière, et c'est bon. Hein. Qui l'a chopé? Pardon? Qui l'a chopé? La grippe A, qui est-ce qu'elle l'a chopé? Ah, c'est Christophe Ondelat, l'animateur de Faites entrer l'accusé sur France 2 là. Bah en fait il devait animer son émission hier à 18h, mais c'est un autre animateur qui l'a remplacé. Donc Ondelat est juste passé par téléphone pour expliquer que malgré ses 38 degrés de fièvre et son mal de crâne, en fait il voyait pas de quoi rester dans son lit. Quoi. Ouais, mais quarantaine oblige, il doit rester chez lui. Voilà, quarantaine. Quarantaine, ça fait un peu bizarre. Mais du coup. C'est en anglais, pardon, excusez-moi. Les gens ils vont dire que c'est un coup monté de la part d'énergie, on va nous accuser de complot. Eh oui, j'avoue qu'il y a des chances, hein. Genre Mustapha qui aurait été avec Tov déguisé en ninja avec des petites fioles de grippe A histoire de foutre le bordel à RTL. Ouais, ça, mais arrête de dire ça, c'est possible que des gens soient parano pour le croire. Ah bah je te confirme, surtout que ça y est, les théories du complot par rapport à la grippe A commencent à arriver sur internet. Alors je vous en donne quelques-unes, hein, comme ça, alors vite fait. D'abord la traditionnelle, hein, en fait il n'y a pas de virus, tout ça c'est juste pour détourner notre attention d'un autre truc grave qui pourrait se passer. Et ouais, comme quoi le fiasco de l'équipe de France. Ouais. Mais bon, ça marche pas, tout le monde l'a vu. Voilà, ah oui. Autre théorie, donc celle-là, elle fait plus film dramatique en fait, hein, film dramatique hollywoodien, voilà, avec Bruce Willis. Le virus, c'est des méchants scientifiques qui l'ont inventé et ce sont ceux qui travaillent dans les compagnies qui fabriquent les antiviraux de la grippe A. Voilà. C'est bon, on a le pitch là de Die Hard 5. Oui, parce que 3, c'était déjà passé, on n'a rien inventé. Ouais. Alors, autre petite théorie, donc dite raciste de base, hein, évidemment, c'est les Mexicains qui ont créé le virus pour envoyer des chicanos malades contaminer les Amériques. Enfin, les États-Unis plutôt. Donc, mais on doit avoir l'inverse aussi, j'imagine. Bah, tout à fait, alors c'est les vilains Américains qui nous ont infectés pour réduire l'immigration. Sinon, il y a la belle théorie politique, hein, on a le droit à une politicienne républicaine aux États-Unis qui dit « C'est bizarre !» La première grippe porcine a eu lieu sous la présidence de Jimmy Carter, un homme démocrate, et la deuxième sous l'ère d'Obama, encore un démocrate. On ne peut plus parler de coïncidence là. Mais ouf. Mais c'est lui, parce que de toute façon on la connaît la vérité. La vérité c'est que c'est Endemol et la prod de ouais. Secret Story qui ont mis au point le virus, histoire de pouvoir se débarrasser de FX si jamais elle arrive en finale contre Jonathan. Voilà. Ou de pas payer Benji. Mais moi je dirais que c'est les gars d'AEG, tu sais, qui devaient faire la tournée de Jackson là, ils ont inventé le virus, ils voulaient juste le buter lui, mais ils se sont merdés. Ouais, c'est n'importe ça, quoi, ça, c'est Marc Dorcel et Rocco Siffredi. Non, qui... ça va, arrête. Arrêtez votre parano là. Revenons à Christophe Ondelat. Donc c'est de là qu'on est parti en fait. Hein. Vu qu'il est touché, il a décidé de s'intéresser d'un peu plus près à la grippe A. Écoutez ce que ça donne en exclu total la prochaine édition de Faites entrer l'accusé. C'est ça, hein. Ouais, Faites entrer l'accusé. Qu'on aurait pu appeler Faites entrer l'affection. C'est ça. C'est vrai. Allez, on y va. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Faites entrer l'accusé. On va se pencher ce soir sur l'un des criminels les plus redoutés en cette année 2009. Son nom, on ne le connaît pas vraiment, il en change tout le temps. Retour sur un des plus gros tueurs en série mondiale. Voici un document exclusif sur son enfance, là-bas, au Mexique. Venga, crocochon, andale. Laisse que je te contamine. Tu m'as pris pour cette balle, Turingua de Spirit Gonzalez. Je vais te faire comprendre ta douleur, moi. T'aurais jamais dû me traiter des pépitos de mes corones. Tu vas souffrir ta madre. Vous l'avez compris, la grippe A, dès son enfance, a évolué dans un entourage hostile et très vite, il eut besoin de sentir qu'on se méfiait de lui. C'est la deuxième période de sa vie. Écoutez ses archives. Qu'est-ce que c'est que ces trous du coup poncho avec leur guitare qui leur cache la bouche? Déjà qu'ils détestent les humains, mais alors ceux qui ont des allures de bouffons comme ça, c'est plus possible. Je vais me les faire uno par uno, je vais en faire des tapas. Et là, c'est le drame. Les pulsions meurtrières de la grippe ne sont jamais assouvies. Il pousse toujours plus loin ses frasques. Oh, madre de Dios, la honte! Ça se prend pour des gros durs sur un terrain de rugby et ça pousse à poil pour les calendriers. Je vais vous plaquer vite fait, moi, tu vas voir. Cabron! Les stars du sport ne sont pas les seules victimes, d'ailleurs. Ils s'attaquent aussi aux puissants de ce monde. Qu'est-ce que c'est que ça pour une présidente de merde? Quelle tête de bita! La grippe a décidé alors de s'en prendre aux people. Oh yes, à papaya! Et shine! Ça te dirait un ice cream avec mon ami et moi? Que guapa! Que bonasse! Il me la serait bien faite, celle-là, mais... Ah, elle est trop buena! Scheim sera épargné de justesse. Après des milliers d'autres contaminés et de morts, vient enfin son procès. Écoutez son arrogance devant les magistrats. Moi, il n'y en a rien à foutre de ce que vous pensez. Il est une star partout dans les journaux et à la télé. Je suis plus fort que Messerine ou Ben Laden, comprenez? Moi, je suis le Paris Hilton des Microbia. Je suis le Michael Jackson de la bactéria. Je suis le Tony Montana de la pandémie. Si vous croyez m'arrêter, je m'évaderai. Et je reviendrai plus fort encore, hijo de puta. Cette petite saloperie a fait des milliers de victimes, dont même moi je fais partie. La prochaine fois, je ferai moi le malin en mettant ma veste. Et d'ailleurs, je mettrai une écharpe en plus. Voilà. Attention. À la marche. Merci Roux pour cette petite vanne de bon aloi. Ouais. Heureusement que Christophe Ondelat était là pour revenir sur exactement ce mystère de exactement. La grippa. Non mais enfin cela dit, bon rétablissement à lui évidemment, hein, parce que là on rigole, mais enfin ça reste quand même la grippa. Hein, avec une très belle phrase je crois de Guy Carlier qui dit le ouais. Seul. Ouais alors lui il est gonflé. Le seul truc qu'il a chopé. Il est gonflé Carlier ouais. Le seul truc qu'il a chopé c'est la grosse tête. En parlant d'Ondelat. Oui, oui, bah oui. Ça ne se fait pas, hein. Non, ouais, c'est non, pas c'est sympa. Pas quand t'es malade. C'est pas bien de se foutre de la gueule des gens qui sont malades. D'ailleurs, je rappelle qu'on nous a lancé le nouveau jeu. Qui de l'équipe va choper la grippe en premier? N'hésitez pas à voter sur amical.fm. Ne dis pas nous avons lancé ce jeu. Pourquoi? Tu l'as lancé à 21h tout oui, à l'heure. Enfin, ce jeu sadique. Oh, c'est pas vraiment un jeu sadique. Ah bah non, non. Mais non. Non, bah non, non. Mais non. Pas du tout. Et ah, on bon. Fera quoi après la grippe? De quoi? Mais alors, on ira à l'enterrement du mec déjà. Mais arrête un peu, arrêtez de flipper. Surtout, c'est fait... pas parce que vous avez la grippe que vous allez mourir. Oui, mais c'est ton jamais. C'est surtout on fait quoi si personne la chope avec ton jeu? Oui, bah tant pis, personne. Bah tout le monde perd. On peut faire un super jeu, on peut faire qui sera le prochain tétraplégique de l'équipe. Oh là là, ça, c'est... bah tu vois. T'es... Mais non, mais c'est trop loin. Trop loin. Mais non, c'est pas ça, mais vous êtes dans des trucs crado. Moi je m'en fous, c'est pas de voiture. Ça n'a rien à voir. Oui, mais bon, d'accord, ok, mais c'est juste là la grippe, quelqu'un va la choper, c'est obligatoire. Bah non, c'est pas obligatoire. C'est automatique. Mais si, Roux, c'est la grippe. Non, mais non. Non, non. Et ça non. Se trouve, je serai le premier à l'avoir. Ah bah, je te le souhaite, mais pas pour moi. Ouais, parce que j'ai un bon tuyau, là. Bon, les vaccins, c'est quelle date, déjà? Il n'y a pas de vaccin, là. Octobre. Les vaccins, pour, c'est la grippe. En octobre. Oui, mais c'est la grippe saisonnière. Mais non, mais les vaccins de la grippe, ouais, ils arrivent. Ah oui, oui, oui, non, mais pour l'instant, ils sont pas là. Hein. À mi-octobre. Ouais. Non, parce que ma soeur est en panique, elle a la grippe. Mais elle sait pas laquelle. Bah oui. Et comme je l'ai vu dimanche. Oh, tu fais chier, putain de merde. Tu pouvais pas nous le dire comme ça, va chez le médecin toi-même. Mais franchement, ouais, tu prends des risques et tout, c'est non, pas mais cool. J'ai rien, je vais pas aller chez le médecin. T'imagines si tout le monde va chez le médecin alors qu'il n'a encore rien. Ouais, c'est pas grave, t'aurais pu mettre un masque. Non, mais elle a été faire des examens, elle a été faire des prises de sang, tout ça, donc on aura des résultats d'ici quelques jours. Oui, bah comme ça, si on est contaminé, on le saura qu'après. C'est ça, et puis dans quelques jours, on sera tous mis en quarantaine, on pourra plus venir à la radio. Ah, y'a pas de malaise. Ah bah non, non, non. C'est toi qui paye. Arrête tes conneries, c'est bon. Non mais c'est vrai, non mais tout va bien, hein, y a pas de problème. Non mais pourquoi? Elle a reçu les résultats, tout va bien? Ta soeur, non, pas encore, elle m'a l'a dit aujourd'hui, là, elle est en panique. Putain, sale grippe de merde, là, ça va. ça me fait flipper. Ça m'énerve, ça m'énerve. Non mais c'est flippant, en plus ils t'en parlent tous. Mais oui mais c'est la grippe, mais oui, bah, tu vas être, la grippe. Tu vas être quelques jours au lit, on fera l'émission, on enverra les Mexicains mais, avec des masques chez toi. Me dis pas ça, il y a des gens, ils meurent pas d'un rhume par exemple. Les gens, c'est incroyable, ça fait 15 fois que je te le dis. Les gens qui décèdent de la grippa sont les personnes âgées qui ne sont plus en bonne santé, les nouveau-nés, les nouveau-nés qui ne sont pas encore en bonne santé, et les personnes déjà malades, genre d'un cancer, du sida, d'une autre maladie. Et donc d'accord. C'est juste que ça les achève la grippa. Mais une personne qui est en bonne santé à l'heure actuelle, y a pas de problème. Les personnes un peu engraissées, y a pas de risque. Y a pas de problème. Par contre, j'ai on vient de me le dire dans l'oreille, donc ça vient de tomber. Les fumeurs, par contre, décèdent directement de la grippe à roux. D'accord. Okay. Donc ça va, t'es tranquille. Si c'est pas la grippe A, ce sera le cancer. Donc Voilà, c'est ça. Principal, c'est d'y passer plus vite, hein, comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai une oreillette, les non-fumeurs, apparemment, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui roulent à 200 km/h, ils prennent des dents de tristesse. Oui, Rotten. Non, c'est comment il s'appelle l'autre? Michael, hein, pas, c'est pas. Landreau. Non, mais comment il s'appelle? C'est Rotten. Ouais. Jérôme. T'as vu une vanne footballistique. Qui aurait cru ça il y a 5 ans? Enfin, t'as galéré pour la... Non, mais c'est parce que j'étais plus sûr du nom. Michael, non, c'est toi. Hein. Oui, mais ça aurait pu être Michael Landreau. Oui, hop, non, deuxième. Toi, mais je roule pas à 200 à l'heure, monsieur. Ah non, non, non. Ah non, à l'heure, à 300 km à l'heure. Moteur trafiqué, tout. Même quoi. Pas. Non, c'est même pas vrai, c'est même pas mon voiture. Un de mentir. Hein. Il y a 5 puces à l'intérieur. Il y a Delphine qui est là. Salut Delphine. Non, mais avec vous, je serais le pire pirate. Les iPhones trafiqués, les voitures trafiquées. Qu'est-ce qui, quoi encore? Ah bah oui. La télévision trafiquée. C'est ça. Oui, les faux papiers. Mais oui, les faux papiers. Le compte iTunes. Bien sûr. Non, non, bah non. Ah, pas ça. Ah non, pas non. Ça. Ah non, iTunes, ça, il a pas. T'as remarqué, il a bloqué, il a fait. Non, non, pas non, bah non. Ah, il trafique aussi sur les forfaits, je ne savais pas, je l'ai appris hier. Les forfaits. Mais non. Mais pas du tout. Bon, Delphine. T'en veux d'autres ou pas? On était sur la grippe là. Ouais. Allô, Del. Ouais. Bon, comment ça va? Bah, vous me faites pas trop rigoler là. Bah, hein. Pourquoi? Mais t'es une fille? Ouais, t'es une fille. Ah, hein. Ouais, je suis une fille, ouais, je suis une fille, mais moi personnellement, je suis complètement parano depuis la grippe A quoi. Donc, moi je vous entends et ça me fait pas rigoler du tout quoi. Mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Bah, une grippe de la choper. Bah ouais, c'est ça quoi, tu peux, c'est un virus quoi, c'est dans l'air quoi, moi je peux pas quoi, si je sors dans la rue, ben là même quand il faisait chaud, j'ai commencé à mettre mes gants, j'ai mon écharpe, je m'en fous si les gens me regardent de travers, mais moi je suis complètement parano. Mais t'habites où? Ça fout la trouille, on en parle trop quoi. T'habites où? À Paris. Ah ouais, Paris, mais c'est le pire en plus à mon avis. Ah, Paris, Marseille, les grosses agglomérations, ça doit être le pire. Bah en tout cas, prends plus le métro. Oui, mais c'est vrai que ouais, le métro, putain, c'est dans chaud. Tout, hein. Dans tous les endroits où effectivement il y a beaucoup de monde, évidemment qu'il y a il y a plus de risques que si tu restes chez toi sans bouger. Hein. Ça, bah c'est ouais, une évidence. Bon, Paris, c'est blindé de monde, donc laisse tomber quoi. Moi, ouais. Là, je sors plus trop de chez moi quoi. Je sais que ça paraît ridicule quoi, mais non, mais c'est vrai. Vraiment, si t'as peur, évite de voir du monde, mais tu peux l'attraper dans le métro quoi. Si, en recul. Ah bah ouais, mais c'est pour ça que je le prends plus. Mais non, mais attends, mais tu vas pas définitivement rester chez toi. Enfin, je veux dire, il faut pas rester parano. Comme je l'ai dit tout à l'heure, t'es en bonne santé en règle générale aujourd'hui, Del, ou pas? Ouais, mais là, tu vois, ça faisait 3 jours que j'avais mal à la gorge. Ben voilà, c'est bon, là, je bouge plus, quoi. J'ai touché le médecin direct, demain j'y retourne et c'est la panique totale. C'est pour ça que j'ai une voix un peu cassée, quoi. Mais oui, mais enfin. C'est la panique directe, quoi. Non, mais d'accord, mais quand bien même, donc aujourd'hui, t'auras peut-être. Oh, imaginons aujourd'hui, ouais, t'as eu mal de gorge. Imaginons que t'as la grippe A. C'est pas de bol. L'année dernière, t'aurais eu la grippe. T'aurais pas fait un drame. Non, mais c'est parce qu'il nous rend parano. Mais oui, mais c'est ce que j'essaie de vous de faire, c'est de plus vous rendre parano. De base, quoi. C'est clair que je me promène pas sans le savon, tu vois, le savon sans ouais, eau, le truc liquide. Ouais, savon antiseptique ou je sais pas. Mais oui, mais lavez-vous les mains pour pas choper la grippe. Et alors, c'est idiot, lave-toi les mains, le mec il te tousse à la gueule, tu l'as dans le cul. Hein. Mais non, mais après tu peux choper les trucs sur les mains. De toute façon, quoi qu'il arrive, si les gens qui se lavaient pas les mains se lavent les mains aujourd'hui, même ça ne sert pas à empêcher la grippe, ça fera pas de mal. Ouais. Ouais, on aurait déjà évité pas mal de maladies. Voilà, ça fera pas de mal à moi. Bah, d'ailleurs, le roux se lave les mains maintenant. Oui, mais le roux se lave. Non, tout court. Non, t'es con, je me suis toujours lavé. Ça. Oui, en vacances. Parce que l'eau est gratuite. Non, c'est vrai, il se lave quand même. Mais oui, quand tu veux dormir à la maison. Non, mais c'est parce que l'eau est gratuite. Vous êtes fatigant. Il dort tous les soirs chez nous, c'est pour ça. Voilà. Parce que l'eau est gratuite. Et chez lui, maintenant, en fait, il récupère les petits flacons de pluie. Non, les petits flacons pour les mains, il se lave avec. Attends, je vous interromps, mais vous savez pas ce qu'elle a dit, Sandra. Ouais, dis, écoute, faudrait qu'on aille faire les courses demain, là. Oui, si tu veux. Ouais, parce que le roux vient dormir à la maison ce soir. Je dis merde alors, c'est-à-dire que l'autre il arrive à la maison, faut que le frigo soit plein. Bon, Dieu merci, il était pas plein. Mais c'est quand même incroyable. Monsieur arrive tel le roi. Non, bah c'est le roi roux. Hein. C'est juste que toi, les courses, tu sais pas ce que c'est. Si, j'ai acheté 3 paquets de mozzarella, 4 tomates et un peu. Oui, d'ailleurs, t'as acheté que pour toi. Oui, j'étais au Monop, j'allais pas revenir. Tu pouvais me demander si j'avais besoin d'un truc. T'as besoin d'un truc? Oui. C'est trop tard. Voilà. Non, mais par contre, c'est une bonne idée ce que disait Toff. En fait, tes courses, tu mets des gants, enfin, je sais pas, tu fais comment. Mais non, mais je vais faire les courses et je vais faire les courses. Mais je m'en fous d'avoir la grippe. Je peux avoir la grippe à demain, je m'en branle. J'aurai une semaine de vacances et je reviendrai en pleine forme après. Non, pas non. T'as pas mal de vacances parce que la sécu vient chez toi. Bah qu'elle vienne chez moi. Non, mais ce qui est dangereux, c'est qu'elle peut muter. Ça, c'est dangereux. Elle peut muter dans quelle ville? La nouvelle version. La bébête, elle peut se transformer en plus méchante. Oui, mais ils ont déjà fait les tests et visiblement, le virus n'a pas muté, donc il n'y a pas de problème. C'est le même virus que l'année dernière. Il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas déjà souffrant d'une autre maladie, si vous n'êtes pas vieux ou si vous n'êtes pas nourrisson, justement, vous ne risquez rien. Vous allez être malade pendant une semaine, ça va être chiant et après ça va revenir. Non, mais moi, il me manque 2 vaccins, je suis en train de penser en fait, depuis 5-6 ans. Ouais, ça se trouve, ça grippe. On va vous faire flipper, hein. Moi, je veux dire, c'est facile, on essaie de nous rassurer. Attends, quoi, Adèle ? Tu disais ? Bah, je dis, moi, à partir du moment où c'est un truc réel qui existe, on fait flipper. Pour pas faire flipper les gens, on va leur dire qu'il faut pas s'inquiéter, quoi. Bon, alors inquiète-toi comme ça tu diras ils le font exprès pour qu'on s'inquiète plus. Les plus flippés dans tout ça, ça doit être quand même les mamans. Hein. Ouais, bah, putain, elles doivent pas être bien en ce moment. La mère de nouveau-né. À la crèche, quoi, c'est fini, quoi. Mais non, mais à la crèche, tu peux pas le laisser, ton gamin. C'est un nid à virus. Bah déjà, s'ils ferment les écoles les unes après les autres pour éviter l'infection. Déjà, il y a les poux. Oui, ah, déjà, et leurs mémoires de mesure qui sont prises pour l'éviter, je pense que. Non, voilà, franchement. Il faut arrêter justement de paranoïer. Tu deviens parano s'il n'y avait pas ces mesures. Parce que oui, ça serait pas n'importe comment. Là, t'as vu le nombre de trucs. Quoi. Je suis d'accord qu'il y ait des mesures et tout, mais il y a bien un truc qui est rigolo, mais qui me fait rire à chaque fois, c'est mettez un masque. Genre la grippa, elle vient, voit un masque, elle s'en va. Non, oh non, je peux te marcher avec un masque. Mais non, mais si t'as un masque, ça fait déjà un filtre, tu le respires pas, la bactérie. Ça et les mains. Bah oui, c'est par les mains que se transmettent la plupart des maladies. La peste, c'est par les mains, le choléra, c'est par les mains. Ouais, mais regarde, tu te laves les mains, tu serres la main à un mec qui a la grippa, bah tu as dans le cul. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a Non. Si tu te relaves directement les mains, voilà. Après, t'as rien. Donc vaut mieux pas serrer les mains des gens en fait. Oh putain, j'ai serré la main des mecs qui sont venus tout à l'heure, moi. Il y a un maire qui a pris un arrêté dans sa ville, en fait, on ne peut plus se faire la bise, on ne peut plus serrer la main. Oui, c'est vrai. C'est pas bête, t'as une amende si tu. C'est pas appliqué, hein. Non, mais c'est dans une petite ville en province. Ouais, enfin, moi je trouve ça débile. Bah non, pourquoi? Mais tu prends pas un arrêté pour ça, tu le conseilles aux gens. Change pas déjà, tu vas te calmer, t'as une chemise de merde. C'est ça, quand on a ta chemise, on se permet pas. Mais non, mais au lieu de donner des gants. C'est pour faire peur au virus, ma chemise. Ah, ça marchait. Ah, ça marche, hein. On va tous mettre une chemise de merde demain. Même à nous, hein. Ça dit, je vais me laver les mains. Franchement, moi je la mets pas, hein. Donne-moi-en un peu. Ah non. Je préfère choper la grippe A que mettre ça. Garde-en un peu pour le roux, il va se laver avec. Ah, oh, fais pas le rein, fais pas le rein. Ah non, hein. Tu savais comment t'as essayé de me le voler? Mais je savais que t'allais le retirer au dernier moment. Je l'ai mis dans mes couilles. Ouais, donc il fait quand même le mec qui flippe pas, mais c'est le seul de nous cinq à avoir son petit flacon. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais c'est un truc pour laver les mains en fait, parce que j'aime bien avoir les mains propres, mais ça c'était déjà avant. Hein. C'est ce que tu dis. Par contre, j'ai un masque, si tu veux. Non. Non, si, si. Non, je préfère tuer le virus. J'ai un sac plastique. Il faut mettre du plastique sur le micro aussi. Ouais. Mais après, tu nous entendras plus trop. Si, regarde, je mets juste une feuille déjà. Voilà. Tu m'entends bien là? Ouais. On se voit dans les années 50. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTL. Les informations 23h30. On veut nous couper. Nous allons faire la révolution dans la rue. C'est un savon coconut. Oh la coconut, mec. Bah, écoute, avec celui-là. Tu m'as coupé pour dire ça, quoi. Bah, oui. Bon, Delphine, t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'auras la grippe comme tout le monde et tu vas survivre comme tout le monde. Delphine. Ouais, mais ouais. Bah oui, bah désolé, hein, t'aurais préféré que je dise que t'allais mourir. Non, c'est clair, mais je trouve que, enfin, tu te moques trop, quoi. Mais je me moque pas, c'est juste que vous prenez la tête pour rien. Et les gens mal intentionnés, ils doivent sortir leurs grands-parents en ce moment, je te dis pas. Ouais, ils sont jamais sortis autant. Les mecs ont viagé. On va signer à viager. Ouais. Quelle bande de cons, alors, je te jure. Bon, allez, t'inquiète pas, courage, Delphine, ça va bien se passer. Ouais, merci, ouais, à bientôt. Ouais. Allez, gros bisous, ciao à toi, ouais, Del, bye. Mickaël, le podcast. Bon, question pour une réponse maintenant. D'ailleurs, si vous voulez donner votre avis sur la grippe A, si vous êtes parano ou pas, on peut en parler jusqu'à minuit avant l'arrivée la rediff du 6-9. Il y a Régis qui est là. Régis. Ouais, salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Comment vas-tu, Régis? Bon, ça va toujours, nous à Marseille, tant qu'on a le soleil, on n'a pas la grippe et tout, on va bien. Mais ouais, il y a eu le soleil aujourd'hui aussi à Paris, hein. Ça a pas duré. Voilà, hein. D'ailleurs, en parlant de Marseille, t'as pas diffusé le... J'ai pas diffusé quoi? Ouais, t'as pas diffusé Marseille, Powering de Mixclub. Je pense qu'il est 23h40 et que nous ne sommes pas partis. Chacun son métier, Tof. Voilà, exactement, ouais. Voilà. Bon, alors, Régis. Oui. Bon, t'as vu, on a parlé de Marseille tout à l'heure. Ouais, bravo. Avec punition collective, d'ailleurs, c'est le titre, oui, Marseille. J'ai entendu, vous vous moquez un peu d'ailleurs, hein. Non, attends, alors attention, je peux pas te laisser dire ça, Régis. Il y a ce trou du cul du roux qui se moque, mais moi j'aime bien Marseille, moi. Non. Si, j'aime bien Marseille. Très très belle ville, la Canebière, c'est magnifique. Si, franchement, moi j'aime bien Marseille. Je vais pas dire que c'est là où j'irai habiter, c'est ma ville préférée, mais franchement, j'aime bien Marseille. Je suis content d'y aller. Ah si, sur la corniche, on peut y aller, hein. Tu veux, bah vas-y tout seul. Non mais vraiment, habiter sur la corniche, c'est horrible. Mais non, attends, il y a des putains de villas. Sur la corniche? Ah oui. Plus loin alors, beaucoup plus loin. Oh, c'est pas... Sur le littoral. À Monaco, tu veux dire? Non, il y a des putains de villas. Je crois qu'il y a il y a des putes. Aussi, mais... Bon, Régis, en face de toi, il y a... Oui, elles sont dans les villas. Il y a Yves qui est là, du 78, l'Île-de-France. Ouais, les Yvelines, ouais. Oui, ouais, merci. Ça va Yves? Ça va. Bon, le battle Paris-Marseille. Ouais. Bon, Roux, Yves, tu veux jouer avec qui? Les Parisiens. Avec le Roux. Ah, allez, Paris. Bien. Et Régis, allez, tu veux Paris. Jouer avec qui? Je vais jouer avec Toff. Très bien. Très bon choix. Allez, Marseille. Très très bon choix. Alors, je vous le dis direct, je peux peut-être dire des conneries parce que j'ai pas eu le temps de lire les questions avant. Donc, ça se trouve, je vais dire de la merde. Hein, donc, tout va bien. Bon, allez, on va y aller. Vous êtes prêts? On va jouer à question pour une réponse. Bonsoir à tous. Salut. Installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Question pour une réponse, c'est parti. On rappelle les règles. Enfin, les règles, c'est rapide, hein. C'est-à-dire que celui qui trouve la réponse de l'énoncé que je vais donner en premier met le point. Toff joue avec Régis. Yves joue avec Leuro. Attention, première question, vous êtes prêts? Attention, je déconcentre l'adversaire, je montre ma chemise. Mais oui, on l'aime bien ce jeu. Attention, première question. Top, je fus créé en 1887 aux États-Unis où j'ai commencé à soigner les chevaux plus puissants qu'un état. Je suis présent en... Non, c'est pas le vaccin. Non. Je suis présent dans le monde entier, souvent copié, jamais égalé. Je reste un des symboles du capitalisme. En 1885, je profite... Le Coca-Cola. Non. Je profite de la prohibition pour faire parler de moi et devenir leader dans ce domaine. Tof. Oui. Le whisky. Non. Merde, si c'était le Coca-Cola, pardon. Je croyais que c'était Pepsi-Cola. C'est moi qui dis de la merde. Autant pour moi. Ouais, vous. Ce que peu de gens savent, c'est que je ne suis qu'une copie d'un produit français inventé par Angelo Mariani. Ah, il a un beau nom de français, lui. Hein. Je suis souvent utilisé au cinéma. Bah, c'est vrai, Mariani, ça fait italien. Italien, ouais. C'est pour ça que je dis. Ça fait italien. Ça fait rital. Ouais. Bon, je suis souvent utilisé au cinéma, mais j'ai tenu mon plus grand rôle dans Les dieux sont tombés sur la tête, c'est vrai. Où je suis responsable des malheurs d'une petite tribu de Bushman. À la base, je contenais de la cocaïne, d'où mon nom, mais aujourd'hui, je suis plus light et je sers à vous désaltérer. Je suis le Coca-Cola. C'est sympa, c'est drôle, c'est convivial, oui. C'est chaleureux, c'est sympathique. Oh là là, là. Allez, 1-0 pour l'instant pour le Roux et Régis. Paris gagne. Allez, Paris. Attention. Top. Si j'étais encore en vie, j'aurais beaucoup apprécié de travailler sur toute l'équipe de Mickaël. Ce ramassis de bon à rien. Top Roux. Oui. Top Rud. Ouais, grave. J'aurais dit pareil. Bah, c'est une mauvaise réponse. J'aurais pu travailler sur différentes psychoses et en découvrir de nouvelles si j'étais encore en vie. Toff. Oui. Françoise Dolto. Ouais. Non, j'aurais aimé enfermer Toff dans un asile et soigner le roux qui est resté au stade anal. Ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que j'étais un toxico car je prenais régulièrement de la cocaïne au début pour des travaux. Régis. Régis. Non. Puis pour me défoncer et me faire un kiff grâce à mes travaux sur les rêves. Vous savez maintenant que si vous rêvez que vous êtes riche, cela ne veut pas forcément dire que vous allez le devenir. Je suis à la base de la découverte du complexe Roux. Oui. Ah, c'est pas de Deep. Non. Bah non. C'est ça, c'était la suite. Freud. Vas-y, bah vas-y. De Deep, donc. Vous avez entendu parler du moi, du surmoi et du ça, et du conscient et de l'inconscient. Eh bien, c'est moi. Ouh. Oui. Sigmund Freud. Bonne réponse du roux. Oh, bien joué, roux. C'est moi qui ai tout inventé. Ce fut le travail d'une vie. Sigmund Freud. C'est pas beau. Ouais, c'est du vol. Ah non, bah non. Merci, roux. Ah non. Ah oui, j'étais... Oui, c'est vrai. Merci, roux. Merci. J'ai été spolié. Non mais Jack a donné à souffler la réponse, donc c'est pour ça que j'accole le point à Toff. À qui? Ben non, Jack, attends. S'il m'avait dit quelque chose, j'aurais compris Simon. Comment tu veux que je comprenne Sigmund? Un partout. Oh non, Mickaël. Un partout. Oh non. Un partout. Ah, c'est ça qui est ouais, mais fallait pas tricher, Régis, aussi. Merci, Mickaël. Question suivante. Attention, vous êtes prêts? Prête. Très bien. Non, toi, tu joues pas, ça, ah oui, c'est vrai. Top, je fus importé des Pays-Bas au XIIIe siècle, mais les Hollandais étaient trop occupés à planter des tulipes et à fumer du hashish que de s'occuper de moi et de me faire devenir un vrai sport. C'est donc en Écosse en 1754. Top. Oui, le football. Non, que je fus modifié. Oui. Le tennis. Non, oui. Régis, non. Et que je fus codifié, que je pris ma forme actuelle. Mon nom viendrait Top. D'une étymologie. Le tennis. Non. Populaire, gentleman only, ladies Top. Forbidden. Le golf. Bonne réponse. Mais on n'en est pas vraiment sûr, mais si vous prenez les initiales de la phrase que je viens de vous donner, vous pourrez trouver mon nom. Je suis pratiqué sur tous les continents, dans toutes les villes et par toutes les nations. J'ai même été pratiqué sur la lune par Alan Shepard. Je fais partie avec le javelot des rares sports extraterrestres. Je peux être pratiqué en mini ou en maxi. Je suis pratiqué sur un terrain avec du gazon et je comporte plusieurs trous. Ça, je vais le rajouter, je suis le sport le plus chiant du monde. Non, c'est pas chiant. Oh, chiant, putain. Qu'est-ce que c'est chiant. Regardez. Vous en avez déjà fait? Non, ouais. Oui, non, le mini-golf, si, c'est rigolo quand tu fais avec des potes. Moi, j'ai déjà fait au camping le mini-golf et c'est chiant. Oui, déjà, mais alors le golf... Ouais, non. Si. Ah non, mais non. Et à regarder, mec, c'est encore pire. On dirait, ça, c'est pire qu'un match de tennis. La plupart des sports sont très chiants à regarder. Non. Non. La plupart des sports sont très chiants à regarder. Le tennis, c'est chiant. Basket. La plupart des sports. Bah oui, mais c'est. Non, mais il s'est envie de s'énerver. Non, si, regarde, tu m'as donné deux sports. Regarde mais non, mais le foot coaché par Domenech, c'est chiant. Mais effectivement, le golf vaut mieux le jouer que le regarder, oui. C'est aucun vrai. Intérêt de le mater. Et Marseille qui gagne. Oh, non. Oh, les l'OM. Oh, la main. En trichant, comme d'habitude. Non. Ah, si. C'est vous qui avez fait une faute, comme d'habitude. Ouais. Non. Penalty contre ton camp. La deuxième ou... ah, bah, oui. C'est pas possible, ça, ta faute. Bah ouais, le foot, c'est impossible. Si. But contre son camp. Non, non, ou alors le penalty c'est contre toi. L'arbitre est très mauvais. Et le penalty est pas contre mon camp. Ou alors l'arbitre est très mauvais. Ça c'est non, possible. Non, aussi. Il est hyper bon. Bon Régis, attends, c'est gagné. Yves malheureusement c'est perdu. Vous rentrez et vous repartez tous les deux au standard. Salut tous les deux. Salut. Salut. À bientôt. Bye bye. Mickaël, le podcast. Vous avez dit aussi qu'on vous rediffuserait le battle qu'il y a eu entre le chikungunya et la grippe A. Écoutez. Bonjour docteur Bocard. Bonjour professeur Thibault. Bon, docteur Bocard, faut passer à la vitesse supérieure là. Au niveau de la grippe A, j'ai Rosine Bachot là tous les jours sur le dos. Ça commence à devenir très lourd. Ouais, je veux bien vous croire. Oh ça va docteur Bocard. Hein. Votre humour, on est en pleine crise sanitaire là. Retournez dans votre labo et travaillez là-dessus. Bachot veut savoir si la grippe A est plus ou moins virulente que le chikungunya. Allez, au travail. Au travail, il est drôle lui, lequel est le plus virulent. Bon, allez, ouverture de fiole, hop, chikungunya, et hop, grippe A, et c'est parti. Coup d'œil au microscope. Hey, microbia de microroles, t'as au cou l'amour propre, tu sors de mosticos tout pourri là, la honte. Mais tu t'es vu toi, tu sors d'un cochon, ah ouais t'en délire, hein. Ah si si, peut-être, mais au moins je me tape pas un nom de merde là, chikungunos, je sais pas quoi là, personne peut dire ton nom. Bah ouais, tellement t'es bâtard, on sait même plus par quel nom t'appeler, porcine, mexicain, wipa, achat, et nain. Hey, de toute façon, on les connaît les microbes antillais, t'as beau être gros et méchant, tu prends le rien de la journée. Allez, viens, sors de la fiole, qu'on s'explique là. Quoi, tu me tues de ta fiole, me force pas à sortir hein. Et puis toi je te parle des microbes en sombrero qui font la sieste avec leur verre de pourco là. Waouh, ok, bon alors niveau tchatch, ils se valent, et comment ils veulent que je les départage moi. Je doute que la science soit efficace là-dessus. Hein. Bon, ça donne quoi si je leur donne une guitare ? Grippe A, grippe A, tu te répands partout sur terre. Tu te propages dans l'air et aucun vaccin ne te fera taire. Bats-moi un chikou, deux chikou, trois chikungunya. Bats-moi un chikou, deux chikou, trois chikungunya. Bon, bah, je pense que j'ai pas le choix. Hein. Si je veux savoir, je suis obligé d'employer les bonnes vieilles méthodes. Docteur Bocard, à mon bureau. Eh merde. Bon alors, vous avez réussi à trouver lequel est le plus agressif ? Non, monsieur le professeur, je suis désolé, hein. Vous ne servez à rien, mon pauvre vieux. Bon, vous avez pensé à reboucher les fioles au moins ? T'es sain, hein? Bah, t'es sain bien, hein? Ah, c'est bien dur, hein? Tu sens la banane, hein? Ça pousse, hein? Ça pousse, vas-y, vas-y, Panky, vas-y, hein? Tu sens la bien? Viens, encore, encore, hein? Eh, putain, vas-y, bouge, bouge, bouge. Allez, allez, allez, viens, Voilà donc hein, c'était le battle entre le chikungunya et la grippe. Bon, pour parler de la grippe, pour finir l'émission, il y a Alice qui est là maintenant du 60. Salut à toi Alice, comment ça va? Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Bon, salut. Très bien, bienvenue à toi Alice. Alors, tu voulais réagir à la grippe, toi aussi t'es parano ou pas? Pas du tout, en fait je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que vraiment on en fait toute une histoire de la grippe. Je pense que ça permet aux gens, enfin à la France aussi, de cacher tous les problèmes qu'il y a par derrière. Ouais. Par exemple, la crise économique et tout ça, on n'en entend plus du tout parler. Mais c'est la grippe, la crise économique, hein, faut le savoir. Ouais, c'est ça, ouais. On n'en entend plus du tout parler depuis qu'il y a cette histoire de grippe A et les gens ils sont tous là à flipper. Alors oui, que, dès que la grippe A va se calmer, tu vas en réentendre parler de la crise économique. Oui, mais en tout cas, les gens ils en profitent quand même pour. En tout cas, pour la France, ça permet quand même de cacher cette histoire de. Ouais, parce que du coup, ils achètent quand même pour combien 2 milliards de vaccins. Non mais ce qui est surtout gênant dans cette histoire en fait de cacher telle ou telle chose, c'est que tu sais on en oublie presque les autres maladies. Alors que ça a tué, je pense, oui, c'est ça. Il y a eu 30 morts en France. Je sais plus à combien on est parce que tu sais le truc a tellement bougé. Bon, on va mais, pas dire ouais, c'est bon, rien. C'est, voilà, mais... c'est-à-dire qu'ils prennent de l'avance pour être sûr quoi. Donc non, mais ils surmédiatisent tous les trucs un peu graves quoi. Mais je sais plus, j'avais vu un professeur je sais plus sur à quel JT, en fait le mec il expliquait oui mais enfin bon vous venez me parler de la grippe, mais pourquoi vous êtes pas venu me parler de tous les morts qu'il y a eu à cause de la chaleur cet été quoi. Oui bah voilà c'est typiquement le truc complètement improbable que les rédactions n'arrêtent pas de faire en ce moment. C'est sûr. Pour parler d'Agrippa, j'ai mis le sondage sur le blog, hein, pour aller voir sur mon blog sur mikael.fm. Qui de l'équipe chopera l'Agrippa en premier? Pour l'instant, c'est Roux et Toff qui sont. Oui, je suis le moins hygiénique, mais. Qui sont en tête. Moins hygiénique. Hein, qui sont. Bon, y a alors que c'est Mikael qui a été le plus exposé. Hein. Pour l'instant, il n'y a que deux votes. Hein. Non, mais c'est 50% chez l'un et 50% chez l'autre. Les autres, c'est zéro. Non, moi, je pense que. Je pense que c'est Sandro ou Mike qui va la choper en premier. Et pourquoi? Parce que c'était pour influencer le sondage. Non, Sandro, elle a tout le temps la poisse. Et toi, tu fais trop le malin. Moi, mais c'est pas que je fais le malin. Que dès qu'il y a un truc qui traîne, je le chope. Hein. Ouais. Moi, je suis assez solide en général. Ouais, mais le plus souvent malade. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je suis jamais malade. Hein. Alors, dans ces cas-là, revois tes excuses pour pas dire bonjour aux gens. C'est pas que j'aime pas dire bonjour, j'aime pas aller taper la bise aux gens, c'est mon problème. Bah oui, mais dis pas que t'es malade. Non. De quoi? Tu viens de me balancer, espèce de con. Non mais j'aime pas taper la bise, il y a 20 000 personnes, je vais pas aller taper la bise à 20 000. En plus, surtout qu'il faut faire x2 à chaque fois. Ouais, non mais quand tu les croises dans l'ascenseur, je veux bien, mais après c'est bon, salut, ça va très bien quoi. Après Sandro, elle a le même problème que moi, c'est que tout le monde dit putain, quel connard. Alors que salut, ça suffit, t'as pas besoin d'aller téléchir le cul aux gens. Non mais parce que Sandro, c'est dangereux avec la grippe. Salut, Sandro, ça lui fait chier de faire la bise. Toi, ça fait chier juste de dire bonjour. Non mais c'est pas ça, mais tu perds du temps à faire le tour de. Quand t'as une petite boîte où il y a 10 personnes, bon ça. Et encore 10 personnes, c'est déjà beaucoup, mais ça va encore vite. Putain, ici on est combien? On est. Non, on était nombreux, mais maintenant on est quoi? On est 400, moitié moins, moitié moins. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais enfin ceci dit, de pas faire la bise, ça t'évite la grippe pour le coup. Pour le coup, ouais. Bon bref, et donc Alice, donc toi t'es pas en panique alors? Pas du tout, honnêtement. Mais t'as raison. À la limite, plus vite on attrapera, plus vite ce sera fini, quoi, voilà. Oui, enfin, on n'est pas obligé de l'avoir non plus, hein. Oui, non, ça c'est sûr, ouais. Mais comme je disais, bon, moi, ma sœur a chopé la grippe. On ne sait pas si c'est la A ou pas, comme je l'ai vu dimanche. Effectivement, je pourrais être le premier pour la peine. Castaldi, ouais. Surtout. Et Castaldi qui a chopé la grippe, ouais. Aussi. Mais Castaldi, il est souvent malade. Hein. C'est de toutes les émissions, il y en a plein qu'il a raté. Hein. Ouais, mais enfin, bon, là, la grippe, quand même, il l'a un peu plus, quoi. Ah bah là, il l'a vraiment. Ah là, il l'a vraiment pour la peine, effectivement. On est sûr? Hein? On est sûr que c'est la grippe? Qu'il a, bah apparemment, ce qu'il disait le matin, ce serait ce matin, les médecins parlaient d'une angine, et là, la grippa serait confirmée. Voilà. Donc, peut-être après, c'est la prod, hein. Après, c'est ouais, voilà. Pour faire le buzz. Ouais, voilà. C'est ça. Ils font même du buzz autour de l'animateur. Quoi. Alors qu'en fait, il va super bien, il est juste parti en week-end, quoi. Grave. En long week-end, ouais. Il se l'est pris profond, ce qu'il va devoir le remplacer. Oui, enfin, j'espère qu'il va prendre. Hein. Ouais, bah je prends. Pourquoi ils n'ont pas appelé toi? Bah, il t'aurait proposé. Il t'aurait. Alors à la place de payer 600 000 euros pour les combien 3 mois, ouais. Remis au jour, ça fait à peu près combien? Bah 600 000, t'as quoi? Il y en a une par jour, donc il y a quoi 70 Allez, disons, il y a 60 émissions pour arrondir. Allez, voilà, c'est ça. Il t'aurait proposé 1000 euros pour une émission, tu l'aurais fait? Bah 500, ouais. C'est quoi 500 euros, 20 euros. Un kebab et. Non, 20 euros, c'est relou, parce qu'il faut travailler un peu. Mais un kebab et un coca. Non, 500 euros avec la bouffe? Ouais, largement, ouais. J'en fais deux, casse les prix. L'animateur du pauvre, de la chaîne pauvre. Enfin bref. Bon bref, donc écoute, Alice, bah, continue comme ça, hein, à ne pas flipper, et puis voilà, c'est le meilleur plan de toute façon. Bah je pense que oui, parce que de toute façon si on l'a, c'est inévitable, et puis voilà, quoi, c'est. Oh, oui, voilà. Qu'on l'a, ouais, ça c'est sûr. C'est on est bien d'accord. Je refais un tour du côté des votes. Eh oui. Deux votes supplémentaires. Non mais non, bah oui, sortie, de toute façon on n'aura pas 10 000 votes non plus. Je continue à voter pour l'euro, moi personnellement. Mais non, nique pas le sondage. Ah, je suis passé premier. Ah. Mais ça c'est parce que c'est ceux qui viennent de débarquer maintenant, qui viennent d'entendre que ma soeur a la grippe, on sait pas si la A encore, elle doit faire les prises de sang. Et que je l'ai vu ce week-end, donc forcément, Mickaël 1, 43%. En 2, alors qu'il était au fond du trou lui, hein, c'est le cas de le dire. Pablo. Non lui il peut pas les surveiller et tout. En 3 Leroux, en 4 Micha, en 5 Sandro, en 6 Toff, et alors Polo, Jack et Pedro sont derrière avec 0 vote. Eh ben ouais, on vous souhaite pas de l'avoir. Non bah non c'est sûr. Bon bah écoutez, on verra demain de toute façon, après une journée de vote, on verra à peu près comment ça va se passer, on en parlera demain soir. Attends mais viens, on fait les paris anglais là. C'est-à-dire. Bah on peut, ouh là ça rapporte de la caillasse. On partage quoi, tout, appelle Olas, demande-lui. Attends, je crois. Tu vas voir si tu vas pas avoir des problèmes. C'est interdit. Ouais, mais bon, les sites, c'est en Angleterre. Les serveurs des sites sont en Angleterre, c'est pas interdit. Ah bah non. Mais il faut regarder parce que ouais, tu peux créer des paris en ligne. Ah oui. Demande à Mickaël, il connaît sûrement une magouille. Ah hein. Non. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Ah bah nous on sait, mais c'est pas grave. C'était le roi de la magouille. Moi je vois pas pourquoi tu dis ça, ça n'a rien à voir. Bon, Alice. Il y a du magouille avec le médecin quand on était dans le verre. Merci à toi d'être passé. Mais de rien. Et tu reviens quand tu veux, d'accord ? Ok, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Au revoir. Bye bye. Mickaël, le podcast. On va y aller. Pocho, P-O-L-O. Show. Allez. Right now. This is Patrick. And this is Pete from Fall Out Boy. And you're listening to the Polo Show. This show is really a big piece of shit. Seriously. Et je suis très content de faire la réa aujourd'hui du Polo Show. J'ai pris du grade. Ah mais c'est ça David, hein, prendre du grade. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Je vais me faire gronder aujourd'hui puisque je n'ai pas eu le temps de préparer mon intro. Le rédac chef doit être sur l'écrou, il doit se demander comment ça se fait. Ah, j'allais oublier, excuse. Ça suffit, le public est là. Il est venu en masse, venir saluer le grand maître de la radio après minuit, c'est vrai. Faut le dire. Sinon je serais pas là ce soir. Donc voilà, je vais me faire gronder. Mon intro était écrite, elle était là, d'accord. Je l'ai rédigée, ça fait 2 jours que je suis dessus. Et j'ai tout effacé. Ah, j'ai pas sauvegardé. Ça arrive. Il y a des jours comme ça, voilà, il y a des jours où on sait pas ce qu'on fait, on appuie, on accepte des boulots à droite et à gauche. On accepte de coucher avec des femmes alors qu'on devrait pas coucher avec des femmes, hein. On accepte de signer des contrats alors qu'on devrait pas signer des contrats. Il y a des choses comme ça. Voilà, le public. Heureusement que t'es là, public, pour m'aimer, pour me soutenir dans ma démarche et dans ma fonction d'animateur. Qui est là? Allô? Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Reprends-moi, recommence. On y retourne. Là. Allô? Qu'est-ce que c'est que ce portail polo? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai pas de chewing-gum. T'as pas fait d'intro. Bah non, il y a des jeux. Je viens de l'expliquer. Je viens de l'expliquer. Je peux pas. Voilà, ça s'est effacé. J'avais pas le temps. Il est minuit. Il faut que je cours, moi. Je veux pas entendre des excuses, Polo. Avec le prix que je te paye, je trouve que c'est la moindre des choses de faire une intro pour ton émission de merde. D'accord. Moi, j'avais des plans pour toi, Polo. Ouais. Moi, je voulais que tu présentes des primes sur les plus grandes chaînes mondiales, c'est Polo. Mais non, t'es un fainéant. Non, je suis pas un fainéant. C'est pas vrai. J'ai effacé. Ça arrive à tout le monde. Je sais pas me servir de voir. Si t'avais effacé, tu recommençais, t'en refaisais une merde. Bon. T'es un homme. Ok, rédac chef. Ouais. À plus tard. À tout à l'heure. Allez, casse-toi. Un peu de pub et on se retrouve juste après afin de. Pour aérer le polo chaud parce que là je suis épuisé. Si vous êtes grosse, moche, sale et boiteuse, vous êtes toujours vierge à 40 ans, il y a un téléphone pour ça. Si vous avez honte de pousser la porte d'un sex shop et que vous aimeriez quand même trouver un truc pour égayer vos soirées célibataires, il y a aussi un téléphone pour ça. Et si vous êtes une accro du sexe et que votre mec n'arrive pas à vous rassasier malgré les 14 rapports que vous avez chaque jour, il y a encore un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application, Imen, uniquement sur l'iPhone. Salut, c'est Helmut Fritz. Ça m'énerve. Le Polo Show. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Merci Helmut de m'avoir fait le jingle. Le public. Ah, le public est vexé. Bon, ok. Qui est là? C'est mauvais, putain. Allô? Qui est là? Ouais. Ouais, Polo. Tu t'es regardé, toi? Polo. T'es pas mauvais, toi? Allez, dégage. Qui est là? Ouais, Polo. Attends 2 secondes. T'as compris pourquoi je t'ai mis un peu en quarantaine? Polo. T'as compris ou pas? Polo. Réfléchis à tout ça. Qui est là? Ouais, Polo. Ouais. Ouais, dis-moi, tu peux prendre mon poteau sur la prochaine ligne? T'as un poteau, toi? Ouais, on a un poteau. On est en collectif. Ah, un pote en verlan. Un ouais. Poteau. Ok, ouais. Bon. Je le prends, il est là. Ouais, le ouais, poteau. Ouais. Moi, c'est Mikoz. Ouais. Mon score table. Voilà, Mikoz est cartable. Et on est avec Lady Caca, dis bonjour. D'accord. Ouais, salut, ça va, tranquille? Salut, Lady Caca, cartable et Mikoz. Et Mikoz est cartable et Lady Caca. On a un groupe, c'est les puceaux collectifs. Bon. Qu'est-ce que vous voulez exactement? On est des rappeurs de Dunkerque. Ah voilà. T'as vu, on a fait un petit rap comme ça, on avait envie de te faire écouter parce que tu vois, on kiffe ton émission, on voulait te faire une avant-première quoi. Ouais bah vas-y, fais-moi une avant-première. Allez, on commence direct par le refrain, c'est Lady Caca dans la place. Vas-y. Ouais, D-A-I-N-K-E-R-C Dunkerque. Yeah, Dunkerque. Yeah. Je cherche pas, t'as vu. Attention, Attention, Pythagore, Thalès, dans la place. Attention, c'est le Racine carré de boule. Avec les crétins, enfin les puceaux en chaleur, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais, là, tu critiques ton trap ou quoi? Cartable et mycose. Ouais, cartable, je représente, t'as vu? Lady Caca. Ouais, Lady Caca, elle t'entend pas parce qu'elle s'embrouille son émission, tu vois. D'accord. Nous, on fait partie de l'éducation locale. Ouais. Tu vois, c'est pas l'éducation nationale, c'est le local de Dunkerque. D'accord. Ouais, t'as vu, parce qu'il y a que chez nous qu'on apprend qu'on parle comme ça, tu vois. Ouais, t'as vu, c'est pour aider les neigeux en difficulté. Les gars, ouais, ça va, voilà, être possible, quoi. Va falloir y aller. Vas-y, attends, on veut te faire un jingle du polo show. Ouais, ouais, parce que tu vois, on te kiffe, tu vois, alors on va te faire un jingle, hein. Alors attention, on commence. Ouais, salut, c'est Mycose. Et Cartable. Et Lady Caca. On est dans le polo show. Ouais, c'est bon, vas-y, ta gueule. Bon, allez, ça suffit. Je te concède donc. Ouais, non, merci pour ça, allez, cassez-vous. Merci. Qu'est-ce que je disais ça? Le public. Merci. Et il est là, sorti de sa quarantaine, avec tous ses boutons sur le visage. Polo. Atteint de la grippa. Oh bah c'est qui ça va. Qu'est-ce que tu veux? Ah, parle pas sur ce ton, Polo. Polo. Je t'écoute. Je t'ai laissé tranquille hier, Polo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bon, qu'est-ce que tu veux? Hier, j'ai appelé Jack Bauer, il m'a raccroché à la gueule. D'accord. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un derrière la porte, Polo. Ouais, mais il y a un moment donné, ça fait 4 ans que tu me saoules avec cette personne qui est derrière la porte. Et si t'allais voir qui y avait derrière la porte? Mais je regarde. Et alors? Et il allume pas la lumière, je vois pas qui c'est. Eh bah allume-la, toi. Mais je veux pas sortir, j'ai peur. Tu veux pas que je vienne chez toi pour allumer la lumière et ouvrir la porte? Polo, j'ai peur, c'est ça que tu comprends pas. J'ai peur, moi je ne peux rien faire. Polo, qui c'est qui est derrière cette porte? Je ne sais pas, mais franchement. Polo, mais pourquoi tu viens pas? Parce que j'ai peur, c'est ça que tu comprends en pas. En fait, c'est toi qui me fais peur, c'est pour ça que je viens pas. J'ai peur que tu me sautes dessus. Ben non, y a pas de risque, moi je saute pas sur les gros. Hey, Polo. Quoi? Y'a un truc qui est sûr, c'est que c'est derrière la porte il fait noir, il veut pas allumer la lumière, il sonne, il tape, mais il tape genre toc toc toc. Mais il ressemble à quoi? Bling bling bling. Il ressemble à quoi? Je lui dis qui c'est qu'elle a, il répond pas. Moi c'est ça qui me fait peur. Le public, qu'est-ce que je fais de cet énergumène? Il nous soulève son histoire à la gueule, là, vire-le. Quoi? Ouais, tu es viré. Tu es renvoyé aux oubliettes du polo show dans les geôles. Quoi? Polo. Quoi? Dis au public de venir. Il est là, le public, il veut pas te parler. Il est le président. Tu es viré. Va-t'en. Ainsi s'achève le polo show. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Merci au public d'être venu ce soir si nombreux. Merci à la personne qui chauffe le public. Merci à tous les auditeurs qui se sont pressés et battus presque pour participer au polo show. Le polo show est terminé. Et je fais un dernier point au niveau de la grippa et le sondage qui est sur mon blog, sur mikael.fm, qui de l'équipe chopera la grippa en premier. Numéro Pablo, 9, Pablo. Polo avec 0%. Numéro 8, Jack 1%, Toff 1%, 6, Micha 2%, 5, Pedro 5%, j'ai l'impression d'être le mec de France Info qui fait la bourse. 5, Pedro 5%, 4, Le Roux 11%, 3, Pablo 15%, 2, Sandro 21%, et premier moi, Mickaël, donc 39% de chance de choper la grippa, d'après vous, hein, qui pouvez voter donc sur le sondage sur mickaël.fm et puis vous allez sur mon blog. On verra demain en tout cas comment ça va se passer au niveau de ce sondage. Je vous avais promis la version... Attends, c'est comment elle s'appelle la version encore? Il est marqué derrière là. Merde. De punition collective. La Folie Club Mix. La Folie Club Mix de Marseille. Alors écoutons un petit bout pour voir à quoi ça ressemble quand même. Hein. Mon cœur. C'est ça qu'on aurait dû mettre pour tout à l'heure pour le chéri, je t'ai fait cocu. Bon bah ouais, ils ont mis un effet sur la musique. C'est un remix. Oh là là, pourquoi j'entends plus rien? Parce qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a rien. Ah moi je m'entends plus en tout cas, enfin j'entends plus la musique. Vous l'entendez vous, c'est le principal, hein. Si vous l'entendez dans votre radio, c'est le principal. Mais pour moi j'entends plus. Ah ouais, bah Michel il entend sur son haut-parleur, c'est cool. Bon bah très bien. Vous entendez vous la musique ou pas? Je crois que c'est comme la machine à paix en fait. Ouais, vous qui êtes derrière là, sur le chat ou je sais pas, ou sur SMS, vous entendez la musique de... Bah oui, techniquement je pense que vous entendez la musique. Je vais être comme un con tout seul à juste entendre ma voix, c'est tout. Ok, eh ben écoutez, c'est pas grave, hein. Bah diminue le son parce qu'à mon avis personne m'entend là avec la musique à fond de balle et tout là. C'est pas très grave, tout va bien, on remettra le truc demain, on doit avoir un petit problème technique. Ce sont les aléas du direct. Oui, ouais. Ce sont les aléas du direct, effectivement, merci Micha. Bravo! Le son marche bien! Oui, le son marche bien, tu parles, ouais. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.